The library is open. Because reading is what? Fundamental. I can't wait to see how this turns out. Hola! Bonjour tout le monde, bonjour Julie et bonne rentrée! Bonjour Mélanie, bonjour à tous les auditeurs, bonjour à toutes les auditrices. Eh ben oui, bah c'est l'épisode de la rentrée, comme chaque année, voilà, et ben bon courage aux plus jeunes qui reprennent l'école, et puis aux plus vieux qui retournent au boulot, et voilà, bah bon courage. Et puis on salue aussi les petits chanceux qui peut-être nous écoutent sur une plage parce qu'ils ont décidé de partir en hors saison et qu'ils ont bien raison. Tout à fait, mais c'est vrai que la rentrée, c'est toujours un petit peu déprimant, alors c'est pour ça qu'on est là. Ne vous inquiétez pas, pour vous faire rire avec nos bêtises et aussi pour vous donner des idées de lecture. Comme vous le savez, si vous nous suivez depuis un petit temps déjà, en général, le premier épisode de la rentrée, il est consacré à nos lectures indiennes de l'été. C'est déjà la 4e édition, donc en général, c'est un petit peu tout. Ça va être du roman, des bandes dessinées, des biographies, des essais. Donc on mélange tous les genres dans nos petites lectures estivales. Et bien cette année, ça va être le cas aussi. Il y a de la BD, il y a des contes, il y a du roman, il y a de la biographie. Il y en a vraiment pour tous les goûts, et on a vraiment très très hâte de vous parler de tout ça. Oui, absolument, c'est vrai qu'on en profite l'été, voilà, c'est un petit peu le moment où on peut se remettre à la lecture, et donc on décide de rester dans notre thématique indienne et d'aller explorer l'Inde d'une autre façon qu'à travers le cinéma. C'est toujours très enrichissant, parfois même c'est justement là pour venir enrichir de futurs épisodes, je pense que je vous en parlerai tout à l'heure, mais voilà, c'est notre petit moment à nous, et puis voilà, ça fait pour vous aussi des suggestions, et d'ailleurs on est très contentes puisque certaines personnes nous suivent et écoutent nos épisodes et suivent nos recommandations, et du coup on est très contente quand vous nous faites des retours en disant bah ça y est, je l'ai lu, ça m'a plu, voilà. Donc je refais encore une fois un lobbying pour une passion indienne de Ravir Moreau, dont on a parlé il y a 2 ans, donc c'est sur l'épisode de 2021. Allez l'écouter si vous ne savez pas de quoi ça parle. Je pense qu'avec Mélanie, on a juste harcelé absolument tous les gens de notre entourage pour lire ce livre. On l'a offert dès qu'on pouvait l'offrir. Et voilà, c'est vrai que c'est notre petit bijou et on est très contente que ça vous plaise aussi. Donc voilà, comme quoi, ça aide aussi de parler de lecture. Tout à fait. Non mais c'est vrai que une passion indienne, c'était absolument extraordinaire. Alors le titre fait très arlequin. La couverture, pareil. La couverture aussi, encore qu'elle est quand même plutôt jolie, je trouve que ça va. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à la couverture et au titre, c'est vraiment un bouquin qui vaut le coup. Mais tout vraiment, à fait. C'est pépite. Voilà. Alors du coup, ben, je pense que je vais commencer par moi, ma première lecture, si ça te va. Bah oui, peut-être faire juste un résumé des titres des lectures dont on va parler aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors moi, je vais vous parler d'un recueil de contes qui s'appelle « Contes de l'Inde » et d'un roman qui s'appelle « Dans la ville d'or et d'argent ». Alors à la base, je voulais en lire un troisième, sauf que panne de lecture. En fait, j'ai de grosses pannes de lecture depuis le début de l'année 2023, donc je n'ai pas réussi à lire ce troisième roman indien. Je suis désolée, mais c'est important de parler des pannes de lecture aussi, voilà. Alors, je peux rien dire parce que panne de lecture, j'en ai eu une pendant plusieurs années, notamment à cause de ma thèse, comme je passais mon temps à lire des publications. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas dans mon boulot. Comment vous dire qu'en fait, le reste de l'année, je lis pas vraiment. Et du coup, l'été, c'est le moment où je me refocus sur la lecture, où voilà, je suis contente d'y aller. En plus, il y a des lectures autour de l'Inde, donc je suis bien contente. Voilà. Mais sinon, honnêtement, le reste de l'année, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas envie, j'ai d'autres trucs à faire, il y a le podcast. Enfin, voilà. Donc, franchement. Julie a 1 milliard de séries et de films à regarder. Coup, ouais, aussi. Non, mais c'est vrai, honnêtement, je comprends qu'avec l'âge adulte, ça se perde un peu l'habitude de lire parce qu'effectivement, on est monopolisé par plein d'autres choses. Ouais. Et moins fatigante, entre guillemets, que de se forcer, tu vois, à lire, par exemple. Mm-hmm. Donc, tu as raison. Pour ma part, alors, vous allez être servi parce que j'ai notamment de quoi faire en termes de BD. J'ai lu Lakshmi Bai, le tome 1. J'ai lu Muraka, également le tome 1. C'est décidé, je pars en Inde, qui est donc un seul ouvrage. India Dreams, un cycle de 5 tomes. Et Nati, voilà, pour ce qui est des BD. Et ensuite, en roman, j'ai lu Meurtre dans un jardin indien. Et en roman biographique, je viendrai vous expliquer un petit peu quel est ce type d'ouvrage, j'ai lu Hindu Boy. Bah, roman biographie, je trouve que c'était déjà un petit peu le style d'une passion indienne. Oui, c'était pas tout à fait ça. Oui, c'est oui, puisque c'était une biographie romancée. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai que là, ce que j'ai lu pourrait rentrer dedans, mais bon, on y reviendra. Oui, et puis je crois que tu as beaucoup de choses à dire dessus, il me semble. Je t'en ai touché deux mots très vite fait, Oui, voilà. mais on a quasiment pas du tout échangé hein, sur ce qu'on a lu parce qu'on aime bien se garder la surprise au moment de discuter ensemble là, comme maintenant. Voilà, on aime bien se garder des Tout petites à fait. surprises. Je fais un dernier petit point hors sujet sur un truc que j'ai découvert sur Arte et que j'adore. Ils ont fait une série de vidéos qui s'appelle Arte Book Club. C'est des vidéos qui durent moins de 20 minutes et qui, de façon très artistique, en fait, avec deux narrateurs et une comédienne vont parler d'un ouvrage en particulier et ils vont dans tous les styles, puisque la vidéo qui m'a frappée en premier, en fait, c'est celle sur le manga Death Note, que personnellement j'ai adoré. Voilà, je pense que pour ceux qui connaissent, ça fait un peu, voilà, ça fait un peu ting dans le cerveau, mais ils ont fait aussi Dune, ils ont parlé d'Orgueil et Préjugés, ils ont parlé de Une chambre à soi de Virginia Woolf. Enfin voilà, allez voir. En tout cas, moi, j'ai adoré leur série de vidéos. C'est une façon de présenter les livres avec un angle très précis. Donc, c'est pas vraiment juste vous dire, voilà, ça parle de ci, de ça, mais c'est théâtralisé, c'est en même temps très poétique dans la façon de le présenter. Enfin voilà, je suis ultra fan. Allez jeter un œil. C'est ma reco, mi-vidéo, mi-lecture. Ok, très bien. Bah, merci pour ta reco, Julie. Bah de rien. Eh bien, écoute, je te propose qu'on commence. Enfin, je commence, du coup. Oui. Alors, je vais commencer avec Les Contes de l'Inde. Alors, c'est un vieux bouquin qui a été édité dans les années 70 et que j'ai trouvé dans un vide-maison il y a 2 ans. Voilà, donc, enfin, première chose à dire, vu que c'est un vieux bouquin, il pue un peu, du coup, des fois, ça gâchait ma lecture. Je suis désolée, mais je tiens à le préciser. L'anecdote, elle est folle. En vrai, c'est vrai que souvent on dit ah, j'adore les bouquins, ça sent le papier neuf et tout, il y a une atmosphère La dessous. patate. Écoutez, j'ai sorti une vieille archive qui sent le moisi. Mais en même temps, c'est drôle parce que tu sais, dans les films, souvent on se fait une idée de ah, oh, j'ai trouvé le vieil ouvrage secret qui contient des savoirs anciens et perdus, et les gens ont toujours l'air un peu extatiques et super contents. Et dans la réalité, c'est en vrai, il est sympa ton truc, mais il pue. Donc. Mais grave, en fait j'achète énormément d'occasions parce que c'est plus écologique et ça coûte beaucoup moins cher et ça permet d'acheter encore plus de bouquins. Mais du coup c'est vrai que des fois t'as des petites surprises. Voilà. Parce que bon, j'ai beau aérer tous les jours chez moi, bah ça suffit pas. Voilà. Donc des fois j'étais Ah, tu veux assez dire ouais, que tu ne l'as pas acheté déjà un petit peu puant? C'est chez toi qu'il est devenu comme ça? Non, je pense qu'il puait déjà à la base, mais ça se sent pas quand il est fermé. En fait, je l'avais toujours pas lu depuis 2 ans. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et en fait, c'est une fois que tu l'ouvres que tu te rends compte que ça fouette. Tu vois, j'allais pas devant les gens qui le vendaient, l'ouvrir et le renifler comme une espèce de maboule, quand bien même j'adore renifler mes livres. C'est en commençant à lire il y a quelques semaines que je me suis dit, merde, il pue. Bah merci pour cette anecdote. Ça se sent pas de l'extérieur, ça se sent de l'intérieur. Voilà, quand vous ouvrez un bouquin. J'ai déjà eu le coup avec un autre bouquin, mais bref. Je sais plus où j'en suis. Bah tu vas commencer à nous parler de ce bouquin. Oui, les contes de l'Inde. Alors, ce sont en fait les récits du conteur errant qui ont été recueillis par Vladimir Miltner et illustrés par Vladimir Tessar. Alors bon, Vladimir, ça évoque un petit peu la Russie. Et ça tombe bien, la Russie, on vous en a parlé dans notre dernier article sur Instagram et sur Twitter, enfin sur X. Donc les relations entre la Russie et l'Inde, qui a abouti à des collaborations cinématographiques, dont Ali Baba, dont on vous a parlé il y a plusieurs semaines de cela. Ouais, c'est plus large que la Russie, hein, c'est toute l'URSS. Oui, voilà, URSS, pardon. Et donc c'est pour ça aussi bah, qu'il a été, je pense, édité dans les années 70. Donc c'est plusieurs contes qui reprennent notamment la mythologie, parce que j'ai vérifié certains des contes, avec notamment la vie de Krishna chez les bergers et comment il triompha des mauvais génies. Et en fait, en lisant le récit, du coup, après, je suis allée vérifier sur Internet et ça reprend bel et bien la religion hindoue avec l'histoire et la vie de Krishna. Donc, il y a une quinzaine de récits en tout. Et en fait, on va suivre donc les récits d'un conteur errant qui va de ville en ville. Et dans chaque ville où il s'arrête, il va raconter un ou plusieurs récits avant le lendemain de reprendre sa marche et d'aller raconter des nouveaux récits dans des nouvelles villes. Donc, bah, c'est assez sympa. Ça permet aussi de connaître un peu plus la religion hindoue, la culture indienne. C'est illustré et ma foi, c'est des jolies illustrations qui, ça fait énormément penser, je trouve, à des miniatures mogholes que moi j'avais pu voir quand j'étais à la fac. Donc c'est tout en couleurs, sur des grandes pages, donc c'est assez chouette. Bon après voilà, tu sens vraiment que c'est des éditions qui ont été faites pour les enfants, donc c'est pas fifou non plus, mais c'est assez cool parce que ça permet d'en apprendre un peu plus, comme j'ai dit, sur la religion hindoue, donc c'est cool. Du coup, ça fait un peu un système des mille et une nuits, mais version adaptée à la religion hindoue et indienne. Ouais, parce que vraiment le gars, enfin le conteur errant, tu le suis, qui va de ville en ville, tu vois, à la fin de chaque conte, il te dit, bah c'est bon, il a terminé son récit, donc il va aller piéter chez son pote dont sa femme, elle lui a fait à manger. Le lendemain, bah il repart pour une autre ville où il va aller s'installer. Les villageois se sont rassemblés au coin du feu, puis attendent que le conteur arrive pour entendre des petites histoires. Ouais, c'est chouette. On vous mettra hein, évidemment sur les réseaux pour ceux qui nous suivent là-bas des photos pour voir un petit peu la tête des illustrations. Voilà, Ouais. s'imaginer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Et du coup, c'est un éditeur soviétique parce que dans le C'est Grund. Ouais, donc c'est bien ça. Parce Grund. qu'effectivement, on en avait vite fait parler, effectivement, dans notre article qui parle des relations entre l'Union soviétique et l'Inde depuis le début de la guerre froide et jusqu'à la chute de l'URSS. C'est qu'effectivement, il y a eu un échange culturel entre les deux pays. Donc le cinéma de l'Inde qui s'est énormément exporté dans l'Union soviétique. Et inversement, c'est surtout la littérature, en fait, qui s'est implantée sur le territoire indien à l'époque, et notamment parce que les presses soviétiques étaient de bien meilleure qualité que ce qui existait en Inde. Et effectivement, ils ont surtout fait beaucoup de livres pour enfants avec beaucoup d'illustrations et ça a énormément marché parce que voilà, c'était de très belles illustrations, c'était très coloré sur du papier de qualité, ce qui n'existait pas vraiment sur le territoire indien. D'où le fait que la culture soviétique, en fait, s'est beaucoup implantée voilà, en Inde à travers la littérature avec bien sûr les grands noms et donc notamment effectivement toutes les pensées communistes et socialistes aussi, mais à travers notamment voilà, des ouvrages pour enfants. Donc effectivement, ton bouquin des années 70 s'inscrit totalement dans cette période-là. Et donc c'est pas vraiment étonnant d'avoir cet ouvrage réalisé par des soviétiques. Tu m'as dit, il est tchécoslovaque, hein, c'est ça l'illustrateur? Je ne sais pas du tout. Ok. Ça a été imprimé. La deuxième édition a été imprimée en Tchécoslovaquie. Mais de toute façon, les éditions Grund, je ne sais pas comment ça se prononce, et ça reste une maison d'édition française. Ok, d'accord. Mais donc voilà, pas étonnant qu'on ait des auteurs et illustrateurs d'origine voilà, soviétique, mais que ça reprenne du coup le folklore indien. Voilà. Après, effectivement, vu que moi j'ai une édition des années 70, si jamais vous voulez retrouver le même genre d'ouvrage, je pense pas qu'il soit encore édité, ou alors il doit l'être sous une version beaucoup plus moderne et qui sent moins mauvais, je l'espère pour vous. Et je me souviens que j'avais tapé le nom de ton livre ouais, dans Google et qu'il était quand même apparu, donc je pense qu'il y a moyen de se le Ah, procurer. Et il me semble qu'il avait la ouais. même couverture que le tien. Ah ouais. Après, peut-être qu'il peut être sur Vinted ou ce genre de choses. Je sais pas, mais effectivement, peut-être qu'il a été réédité dans une édition un petit peu plus moderne. Tout à fait. Bon, et du Mais c'était coup. Donc sympathique. globalement, t'as trouvé ça sympathique. Est-ce que tu le recommanderais à la lecture ou... Je recommanderais plus ça pour des enfants, vraiment. C'est parce que bon, le style est quand même assez simple. En fait, ouais, ça fait vraiment le recueil de contes que tes parents pouvaient te lire juste avant que t'ailles dormir, quoi. Ok, Donc, donc ouais, ça peut être sympa effectivement si on a des enfants et qu'on a envie de oui, leur ou faire lire des si. histoires qui sortent du folklore occidental. C'est ça, ou si même, enfin, même en tant qu'adulte, hein, ça peut se lire, il n'y a pas de souci, ça permet aussi d'en apprendre un peu plus sur les légendes indiennes, la mythologie, tout ça. Donc c'est assez cool. Mais tu vois, je l'ai lu une fois, j'aurais pas forcément envie de le relire. D'accord. Et si on est juste un grand fan d'illustration, est-ce que ça vaut le coup pour les illustrations ou il n'y en a pas tant que ça ou est-ce qu'elles sont pas plus élaborées que ça? Il n'y en a pas tant que ça, on va dire qu'en moyenne, il y en a une par compte, et encore pas tous les comptes. Ça, en fait, parce qu'il y a des comptes qui vont faire peut-être 20 pages, t'en as d'autres qui vont faire 2 pages, donc il n'y aura pas d'illustration à chaque fois. Mais après, moi, je les aime bien, je les ai trouvés assez jolis. Ok. Bon, du coup, je vais passer à ma série de BD. Allez! Bon, préparez-vous parce qu'il y en a quand même 5. Donc, j'ai de quoi raconter. Ne sois pas trop bavarde. Non, je vais démarrer par une BD qui est sortie très récemment et qui donc s'appelle Lakshmi Bai. Le tome 1 s'appelle La Séditieuse. En fait, ça fait partie d'une saga. C'est la saga Les Reines de Sang. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Donc, c'est une saga des éditions Delcourt qui a pour objectif de mettre en avant chaque fois un personnage féminin fort dans l'histoire, un peu partout dans le monde. Vous avez sûrement croisé, je pense que les plus connues sont celles autour d'Aliénor, celles autour de Catherine de Médicis, de Jeanne d'Arc, etc., etc. Et donc là, dernièrement, ils ont décidé d'en faire une sur Lakshmi Bai, et normalement, il devrait y avoir 3 tomes au total. C'est en tout cas ce qui est annoncé. Donc là, c'est le tome 1. Donc Lakshmi Bai, vous nous avez déjà entendu parler de ce personnage. C'était dans l'épisode 47, puisqu'on a Oh parlé là là. de... C'était il y a longtemps. Ouais. Puisqu'on avait parlé de 2 adaptations autour de cette reine. Donc c'est une reine qui, suite à la révolte des Sipayes en 1857, a décidé de se révolter contre les colons britanniques. Elle a vraiment mené la première vraie guerre contre les colons et elle a perdu. Mais ça reste quand même du coup une icône forcément de l'histoire indienne. Et il y avait eu 2 adaptations en film. Sorti la même année d'ailleurs, une version britannique et une version indienne, et sans surprise, c'est marrant, c'était 2 salles, 2 ambiances. Un même personnage historique, mais bizarrement 2 versions relativement différentes, et aucune des deux n'était totalement juste, puisqu'on avait regardé Ouais. un petit peu les faits. Donc ce qui m'intéressait en prenant cette BD, même si du coup je connais déjà l'histoire par cœur, c'était de me dire. De quel côté va aller cette BD? Est-ce qu'elle va plutôt se rapprocher de la version qu'on avait vue avec les Britanniques, ou est-ce qu'elle va se rapprocher de la version des Indiens? Eh bien, spoiler, en fait, elle s'inspire des deux. D'accord. Donc, quelque part, tu redécouvres un petit peu l'histoire, puisque, effectivement, elle va piocher un petit peu dans ces deux films-là. Je trouve qu'on s'y retrouve, donc j'en dis pas plus que ça. Le tome 1, en tout cas, il s'intéresse. Il retrace depuis la jeunesse de Manikarnika, qui est donc le nom de cette reine qui ensuite sera appelée Lakshmi, jusqu'à la naissance de son premier fils. Je sais pas si tu vois, Mélanie. Donc ça fait cette partie-là, et en début et fin de tome, on a quelques flash-forwards sur un peu plus tard dans sa vie, et notamment son exil avec son fils Damodar. Donc voilà ce que donne en tout cas le premier tome. Je vais quand même donner quelques noms. On a 2 scénaristes, une auteure italienne qui s'appelle Simona Mogavino et un auteur français qui s'appelle Arnaud Delalande. En illustrateur, on a Carlos Gomez et en coloriste, on a Luca Saponti. Donc, c'est des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble, hein, notamment, je vous l'ai dit, sur les fameuses sagas Les Reines de Sang. Et puis, ils ont travaillé aussi sur Le Chevalier d'Eon. Et aussi sur un certain Alexandre VI chez les Borgia. Voilà, donc ils ont l'habitude de travailler ensemble et ça se voit parce que c'est une très bonne BD, en tout cas c'est un très bon début. Je trouve le dessin en tout cas me plaît, graphiquement ça me plaît parce que vous allez voir les BD c'est difficile, ça dépend aussi un peu de son appréciation personnelle, de ce qui nous touche un petit peu dans l'art et dans le dessin. Là, c'est un style graphique qui me plaît, c'est très coloré, ça j'adore. Vous allez voir que je vais beaucoup vous parler de couleurs en général. Mais en tout cas, celui-là, voilà, c'est coloré, c'est dynamique, c'est très détaillé, les paysages sont très beaux. On a une Manicarnica assez rebelle, qui rappelle vraiment celle du film Manicarnica indien. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très sympathique, ça me donne très envie de voir le tome 2 et le tome 3. Alors effectivement, si revoir une histoire que vous connaissez déjà parce que vous avez regardé les films, ça vous saoule, bon bah évidemment, vous n'allez pas y aller. Maintenant, si ça vous dérange pas de redécouvrir cette histoire avec quelques petites variantes qui viennent un peu des deux versions, entre la version britannique et la version indienne des films, bah c'est plutôt bien. Et les costumes aussi sont beaux, mine de rien. La sélection des costumes dans la BD sont très très beaux et assez historiques. Voilà. Donc, puis si vous aimez, voilà, les belles couleurs, les beaux dessins, je vous la recommande. Moi, je la trouve bien. Et je sais que Mélanie a très hâte de me la piquer. Pas du tout, c'est pas du tout ce que j'allais te dire en plus. Non, ça, j'avoue qu'elle me donne très très envie cette BD. Je l'avais repérée aussi depuis un bon moment, puis vu que tu l'as achetée, je me suis dit, oh bah, je lui emprunterai. Ouais. D'ailleurs, je fais un clin d'œil au compte Instagram Un dans Livre, parce que c'est elle la première qui l'avait exposée, et en le voyant, je fais, oh mon Dieu, il me faut cette BD. Donc Mais je voilà. crois que ouais, je crois qu'on avait échangé à ce moment-là aussi. Il me semble que j'avais fait une capture d'écran. Je t'avais dit, ah, regarde ça! Absolument. Mais en tout cas, gardons en tête, du coup, j'allais dire Gangu Bai, je ne sais absolument pas pourquoi. Gardons en tête Lakshmi Bai, puisque j'en reparlerai tout à l'heure moi aussi. Ah. Bon, alors du coup, j'enchaîne sur une autre BD qui s'appelle Muraka. Et j'avais pris le tome 1 qui s'appelle Vêtu par le ciel. Donc cette fois, c'est de quelles éditions je ne suis... Ah oui, c'était de l'édition 12 bis. Et en fait, bon, je reviendrai dessus après. Au scénario, on a Emilio Ruiz et au dessin, on a son épouse qui s'appelle Ana Mirales. C'est également elle qui a fait la colorisation de la BD. Donc voilà, c'est un travail de couple. C'est assez mignon. En général, c'est un peu le cas. Vous allez voir que sur une autre BD, c'est aussi un couple. Tu sens qu'en gros, t'es collaborateur et puis un jour, tu finis ensemble. Ah, oh, c'est mignon. Oui, c'est chou. Donc voilà, ils ont travaillé sur Muraka. Vous avez peut-être déjà croisé leur travail parce qu'ils ont fait une série ultra connue et ultra populaire qui s'appelle Jean. Je sais pas, Mélanie, si ça te parle. Pas du tout. C'est une série qui mélange en gros un peu l'érotisme et l'histoire, enfin une histoire dans la Turquie ottomane avec des harems et ça passe notamment par l'Afrique et l'Inde dans leur histoire. Ils ont travaillé pendant 15 ans dessus. Donc c'est une voilà, c'est une immense série et c'est surtout connu effectivement pour avoir des dessins parce que c'est du coup c'est Anna Miralles qui dessine, mais on sent que du coup c'est un œil féminin qui dessine, c'est-à-dire que c'est érotique, mais tu vois, c'est pas trash, c'est pas voyeuriste, et c'est ce qu'on retrouve un peu dans Muraka. Il y a aussi un petit côté un peu. Quand je dis érotique, pas vraiment, c'est qu'il y a beaucoup de nus, tu vois, parce que c'est pour faire l'ambiance un peu des. Bah, dans Des Jean, c'est avec les harems. harems, mais dans Ouais. Muraka, elle aussi, en fait, dans une sorte de harem, puisqu'elle va être. On suit une jeune femme qui est orpheline, mais qui fait des illustrations, qui dessine très bien, et qui est repérée un jour par un Maharaja pour qu'elle devienne l'illustratrice officielle de la Zenana. Donc en fait, c'est la partie du palais Réservé aux femmes. qui est réservée uniquement aux femmes. Voilà. Et notamment à toutes les épouses, à la Maharani officielle, etc., etc. Donc ils vont lui demander de venir, elle va intégrer ce palais et l'intérêt de cette BD, c'est de découvrir en fait bah, à quoi se ressemble voilà, la vie sous l'empire mogol, puisque du coup on est sous l'empire mogol. Elle est hindoue, mais elle va intégrer du coup ce palais qui est musulman, qui a ses propres façons de fonctionner. Et tout l'intérêt, c'est de voir bah, la dynamique, la politique, le statut des femmes, etc., etc. Et ce premier tome installe un petit peu tout cet univers et aussi les premières intrigues. Et du coup, c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup happé. C'est sublime. Je trouve ça très beau. Je trouve qu'on est dans le même style un petit peu qu'avec la BD Lakshmi Bai. C'est des graphismes qui me parlent. C'est très coloré. Et comme je vous disais, bah, du coup, comme on est dans une ambiance un peu zenana, harem, bah, du coup, il y a du nu. Mais ça reste joli. C'est pas, voilà, c'est pas vulgaire. C'est pas très voyeuriste ou gênant ou à travers un œil masculin qui serait plus là pour Ouais. je dessine du nu mais t'as l'impression de reluquer en même temps tu vois c'est un peu bizarre là c'est voilà je trouve que tu sens que c'est fait par une femme et j'ai beaucoup aimé et mais malheureusement On n'aura Ah. peut-être jamais de suite. Oh non, pourquoi? Parce qu'en fait, l'édition qui avait cette BD, donc 12 bis, a fait faillite et a été rachetée par Glénat. Et le truc, c'est que quand Glénat a racheté du coup l'éditeur, voilà, toutes les éditions de 12 bis, ils ont derrière fait une fausse publicité. Ils ont piqué en fait un des dessins de Anna Miralles et ils l'ont publié en disant qu'il y avait un tome 2 qui allait paraître. Et donc tout le monde pensait qu'il y avait effectivement un tome 2 qui allait paraître, que c'était une couverture officielle, etc., etc. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Anna Miralles et son mari Emilio avaient commencé à travailler dessus, mais on leur a pas demandé leur avis. Et en fait, du coup, ils l'ont effectivement mal pris. Et visiblement, les relations avec Glénat étaient pas du tout bonnes entre les époux et l'éditeur. Et ils ont dit que, du coup, toute l'affaire a été mise en stand-by. Et que si un jour la série devait sortir, ce serait jamais sous Glénat. Ok, Donc, en super. fait, tout le projet pour l'instant est en pause. Et on sait pas du tout si un jour ça va reprendre. Et je suis extrêmement frustrée parce que j'ai adoré ce tome 1. Et j'avais juste envie de voir la suite. Et là, il n'y a Ah, je pas. comprends. Ils avaient dit oui, on fera juste deux ou trois tomes. Donc je me dis, ah, ça va, c'est une histoire courte, tu vois, ça peut le faire et tout. Et là, c'est totalement en stand-by depuis 2011. Donc en fait, à mon avis, on verra jamais la suite. Je suis très frustrée. Ah bah je vois ça. Voilà. Et du coup, j'ai compris pourquoi j'avais galéré à la trouver cette BD. Parce que effectivement, moi aussi, il y a eu pas mal de mes BD ou livres que j'ai eus via. Comment la seconde main. Et notamment, il y a certains trucs, c'est des éditions, elles n'existent plus, et c'est plus vendu. Donc, tu es obligé de passer par de la seconde main si tu veux les avoir. Et effectivement, Mouraka, j'avais un peu galéré à l'obtenir. Donc, ceci explique cela. Effectivement, bon. Il faut garder espoir, Julie. Toujours garder espoir. Ouais. Faut que je trouve leur mail. Tu sais, je vais envoyer un petit mail. S'il vous plaît, je voudrais la Donnez-moi le suite. tome 2. Surtout qu'ils ont démarré le tome 2. Il y a des planches et tout. Ils l'ont déjà un peu préparé. Et j'étais genre, s'il vous plaît, finissez-le. Je veux la suite. Je comprends. Oh, la frustration. Bon, je te le piquerai pas celui-là parce que sinon je vais être frustrée s'il n'y a pas de suite. Mais franchement, j'avais vraiment l'impression d'être un peu dans Jodha Akbar. Tu vois, le film. Ouais. Vraiment le même style avec ses palais, c'est beau, tu sens qu'il y a des intrigues, t'es sous empire mogol, etc. J'étais à fond et là je vois qu'il n'y a pas de suite, je fais non mais s'il vous plaît, pourquoi vous me faites Et ça? vous n'avez pas le droit. Mais je voudrais juste revenir un petit peu ce que tu disais sur le male gaze et tout ça, le fait qu'on ressent que ce soit dessiné, écrit par une femme et tout ça. J'ai enchaîné là cette année, même un petit peu l'année dernière, plusieurs romans écrits par des hommes. Alors je ne veux pas être misandre, hein, mais en fait tu le sens à chaque fois que c'est écrit par un homme quand arrive la scène de cul. C'est tellement cliché, ou ne serait-ce que dans la description des femmes. Et vraiment, là, je voudrais pousser un coup de gueule, mais je trouve ça insupportable. C'est les mêmes choses à chaque fois. C'est cliché au possible. Et en fait, t'as l'impression que c'est juste les fantasmes d'un vieux libidineux, tu vois. Et j'en ai marre. Voilà, c'est tout. C'était mon coup de gueule. Ça tombe bien, sur une prochaine BD un peu plus tard, c'est un homme qui les a réalisés, tu vois la différence. C'est bizarre! Il y a C'est pas une qu'on va y telle faire des... C'est différence! pas qu'on va faire des généralités, parce que Non, j'imagine qu'il y a mais. des exceptions quand même, assez souvent quand même, je trouve que ouais, effectivement, ça se ressent. Et quand c'est une femme, peut-être qu'on le ressent d'autant plus, mais voilà. Mais ouais, mais je sais pas si tu te rappelles. J'avais lu un roman il y a, je sais pas, peut-être au mois de juin, un truc comme ça, où il y avait Léonard de Vinci dedans. Je sais plus si je t'en ai parlé. Je crois que je t'avais Oui, oui, oui. envoyé. Oui, tu m'as montré Ouais. les passages. Ouais, et en fait, il y a une scène de cul, mais qui ne sert à rien. En fait, t'as l'impression qu'il y a un couple qui va se former, et en fait, non, il se passe que dalle par la suite, et le personnage féminin n'aurait pas été là, ça n'aurait strictement rien changé à l'histoire, mais vraiment que dalle. Et du coup, t'as juste l'impression que l'auteur, il s'est tapé un fantasme en se disant, ah ouais, je vais mettre une scène de cul là avec une petite jeune et tout. Et non, en Non, mais fait. même tout est cliché. Je me souviens que tu me l'as montré, la façon de décrire les choses, de décrire les actes ou les gestes. Tu fais, qu'est-ce que c'est que ça? Jamais Ouais! de ta vie, une jeune femme réagirait comme ça Mais non, face à un homme. jamais! En plus, elle est en mode. En fait, en plus, on est vraiment sur le fantasme. En gros, la jeune vierge, puis d'un seul coup, elle n'est plus si effarouchée que ça, et c'est une bombe C'est ça! sexuelle dès sa première fois, et elle attend que ça. Limite, elle lui saute dessus. Tu fais, attends quoi? Quoi? En plus, enfin, le truc qui se passe à Rome au XVIe siècle, t'es là, t'es en mode ouais, enfin, on n'est pas sur les mêmes vertus et tout, la même façon de faire et tout, enfin. La meuf, elle a croisé que des nonnes toute sa vie pour l'instant. Ouais, et le gars, elle l'a vu qu'une fois auparavant ou deux, elle lui a jamais adressé la parole et le gars, il la guette en bas de chez elle et elle le voit, elle lui dit, allez, vas-y, viens, on va baiser. Et j'étais acheté, bah, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et après, elle le jette et elle veut plus jamais entendre parler de lui. Et j'avais envie de dire à l'auteur, mais gars, pourquoi t'as fait ça? Quel était l'intérêt, en fait, à part juste satisfaire tes pulsions de vieux dégoûtant, de vouloir faire l'amour avec une jeune fille vierge? Enfin, je sais pas, mais ça m'a Non, mais dégoûté. franchement, c'était même mal écrit, hein. D'un seul coup, ça faisait vraiment Ouais. fanfiction, quoi. C'était pas. Bah c'est ça, il satisfait un fantasme, je pense. Genre en plein milieu pop, allez, fallait une petite scène de cul pour faire plaisir. Donc, messieurs les auteurs, arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez, c'est gênant, vraiment. C'est gênant, c'est cliché, on n'en peut plus. Voilà. Fin du coup de gueule, tu peux continuer. Alors on va enchaîner sur quelque chose de plus sympathique, et notamment sur un cadeau. Puisqu'il s'agit Oui. de la BD qui s'appelle C'est décidé, je pars en Inde de Clara Vialetel. J'espère que ça se prononce comme ça, mes excuses. Si jamais ça ne se prononce pas comme ça, je suis désolée. Je sais ce que c'est les noms de famille mal prononcés, le mien, ça ne loupe jamais. Donc c'est un cadeau qu'on a eu de la part de Marie et de sa petite famille. Donc encore une fois, merci beaucoup. C'était très Oui, gentil à elle merci. de nous l'offrir, qui vient des éditions Ikari. Et en fait, la BD, c'est finalement un carnet. Un journal de bord, voilà, de l'expérience de cette autrice de son voyage en Inde. En fait, c'était une jeune étudiante qui, à la fin de ses années d'études, s'est dit, allez, j'ai envie d'aller chercher de l'inspiration en Inde, notamment parce que c'est une grande fan de Bollywood, et donc forcément, on ne peut que s'attacher à elle, puisque nous aussi, hein, grande fan de Bollywood que nous sommes, et qui rêvons de pouvoir se faire un petit voyage en Inde à l'occasion, je me suis dit, ah. Ça c'est sympa. Et du coup, elle a fait pendant son voyage, elle a décidé de faire des croquis et des aquarelles, puisqu'elle travaille à l'aquarelle, de tous ces moments de vie, ces tranches de vie, en même temps qu'elle tenait en parallèle un blog. Et du coup, c'est hyper sympa. Déjà, le concept d'avoir cette espèce de journal de bord sous les mains quand tu le lis, bah, ça fait un peu comme le podcast, c'est-à-dire que tu as un peu l'impression de suivre les aventures d'une copine. Surtout quand elle est là et qu'elle te dit bah j'adore Bollywood, le cinéma indien, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Bah, forcément tu t'identifies un petit peu à elle et du coup il y a quelque chose de très sympathique où on aime bien voilà suivre la vie de quelqu'un. C'est un peu pour ça aussi que les vlogs fonctionnent énormément sur YouTube et compagnie, c'est parce que tu as un peu l'impression de vivre le voyage d'une copine ou d'un copain à travers eux, tu vois, finalement. Ouais. Et ce qui est sympathique aussi, c'est que du coup t'as pas de fil rouge finalement à suivre. C'est-à-dire que chaque page, c'est quasiment comme une planche. Donc en fait, c'est presque comme si ça te racontait une journée ou un événement dans la journée. Donc tu peux faire ta pause n'importe quand à un moment donné et reprendre derrière de façon très simple. Puisque c'est presque une page, voilà, un instant. Ok. Donc, lecture ultra facile. Et puis c'est très agréable de voir où est-ce qu'elle est allée, comment elle l'a vécu, qui est-ce qu'elle a rencontré, comment ça s'est passé. Et puis son évolution à elle, parce qu'elle y est restée un an, il me semble. Donc elle a eu le temps de s'habituer, de prendre des habitudes. C'est marrant de voir avec quoi elle est partie au départ et avec quoi elle rentre chez elle, notamment toi dans les fringues, où au début elle était très à l'occidentale, puis à la fin elle a totalement adopté les fringues sur place parce qu'elles sont beaucoup plus légères, car du coup elle aime beaucoup plus la couleur, donc elle revient, elle est hyper colorée par rapport à tout le monde. Donc c'est assez, voilà, c'est très amusant, c'est très léger, ça se lit très très bien. J'aime beaucoup son coup de crayon. Donc très agréable à suivre. Donc je vous recommande, voilà, chaudement. Il me semble qu'elle a remporté un prix pour ça. Ouais, elle a remporté le grand prix de la fondation d'entreprise Michelin en 2019. Pas mal. Oui, parce que du coup, elle a un site internet pour parler de ses travaux. Je suis allée un petit peu regarder tout ce qu'elle a fait. Et elle a fait aussi un petit court-métrage que je vous invite à aller regarder sur YouTube. Ça dure 2 minutes 30. En fait, c'était un petit court-métrage de fin d'études où elle a fait notamment bah, tous les dessins et ils sont très mignons. Donc ça s'appelle Le Parfum ou Le Poison. Et ouais, c'est vraiment trop, très beau. Genre ses illustrations, elle en avait mis quelques-unes du coup sur sa page web, tu les regardes, tu dis, ah ouais, c'est beau. C'est vraiment très beau. Donc voilà, c'est très mignon. Et puis, si vous aimez ses travaux, si vous êtes breton ou bretonne, elle a sorti. J'adore cette transition. Oui, parce qu'en fait, elle a sorti un roman graphique qui s'appelle Fils de Plouc, et en fait, ça revient sur la ruralité en Bretagne. Ah, Donc peut-être que ça parlera aux bretons et bretonnes qui nous écoutent. Bon, en tout cas, cette BD, il faut que je te la pique aussi. Oui, parce que depuis, elle est kidnappée chez moi. Oui. Parce qu'elle n'est pas vraiment à toi, du coup, elle est à nous, mais elle est retenue en otage chez Julie. Hein. Oui, la garde alternée n'est pas très bien respectée. Non, mais même pas du tout. Ouais. Donc voilà, encore une fois, bah, merci à Marie pour ce cadeau. Oui, D'ailleurs, merci ses filles beaucoup. aussi nous avaient envoyé des illustrations, dessins en forme de marque-page et tout pour aller avec. Et ils nous ont bien aidés d'ailleurs comme marque-page pour nos Ah bouquins ouais. de cet été. Hein, Mélanie, je t'en ai fait une story. Oui. Voilà, c'était très gentil, donc merci beaucoup. Très bonne lecture, c'était un très bon choix. Et bah, je vous la recommande également chaudement. Très bien. Ensuite, bon, on va rester dans une vague positive. Je vais enchaîner sur une BD qui s'appelle Nati. Alors, Nati, au scénario, on a Éric Corbeyran. Au dessin, on a un auteur qui s'appelle Melville. En fait, c'est un pseudonyme. Il s'appelle en réalité Serge Mérino. Et aux couleurs, pareil, encore un pseudo, il s'appelle Kness, le coloriste. C'est des éditions d'Argo et ça change un petit peu parce que c'est de la fantaisie. Alors, j'avais déjà fait de la BD fantaisie autour de l'Inde, c'était Ah, avec avec les vampires. ouais, These Savage Shores, qui était plutôt rangé d'ailleurs dans les comics. Donc, je vous renvoie, ça c'était notre premier épisode, hein, donc c'était en 2020. Non, pas le deuxième? Tu crois? En même temps qu'une passion indienne? Ah, je suis pas sûre, hein. Je crois que c'est... Ben, je ne sais plus, Julie. Eh bien, vous irez chercher. Voilà, c'est paru en 2008. Et donc, effectivement, on est dans un style plutôt fantasy. Alors, au départ, ça a été publié en deux tomes. Mais moi, j'ai pu récupérer une intégrale, ce qui est tout aussi bien. Voilà, il y a un bon nombre de pages quand même. Donc, ça vous fait de la bonne lecture si vous l'avez. Et l'idée, c'est d'imaginer un monde. Une forme d'Inde un petit peu fantasy. C'est-à-dire que le monde s'appelle l'Orchidistan, et en fait, on est plutôt sur une population qui a des traits, des caractéristiques assez proches de la nature, des plantes et des fleurs. Puisque, comme son nom D'accord. l'indique, on est en Orchidistan. Et donc, c'est une sorte de monde un peu alternatif, comme ça, qui reprend les palais, les maharajas, la mythologie hindoue, mais dans une version un petit peu, voilà, fantasy, un peu nature, etc. Ouais, c'est Avatar, en fait. Non, je vais faire un autre parallèle, mais ça va parler qu'aux personnes qui connaissent, parce que j'avais déjà fait un post Instagram dessus. Le style graphique m'a énormément fait penser à Witch. Je ne sais pas si vous connaissez, quand on était petite, n'est-ce pas Mélanie, moi j'étais abonnée à Minimag et ensuite c'est devenu Oui! Witch Mag avec la fameuse C'était BD trop bien! Witch. Et peut-être qu'après vous avez vu, vous, les épisodes à la TV, qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec l'histoire dans les magazines, mais à peu près donc avec Will, Taranée, Cornelia, Aileen et Irma. Et voilà, donc c'est dans le même style graphique, donc forcément, moi ça m'a un peu touchée dans mon petit cœur, parce que j'ai toute ma nostalgie qui est remontée d'un coup. D'ailleurs, j'ai toujours toutes mes BD chez moi. Je ne les ai jamais quittées. Je sais pas si moi mes parents les ont pas achetés parce qu'ils en avaient marre que ça prenne de la place dans le grenier. Et donc finalement, bah, ce paysage d'un peu d'Orchidistan, bah, ça fait penser un peu au monde de Kandrakkar, tu vois. Oh non! Avec l'oracle et tout ça et le cœur de Kandrakkar. Ouais, mais plutôt le royaume de la pote de Cornelia, là, celle qui disparaît dès le début. Ah, Elyon! Non, Oui, c'est pas Elyon aussi, ouais. c'est ça. Et ben, ça ressemble un peu à ce genre d'univers. Ok. Même dans les habitants et tout. Donc voilà, forcément, bah, moi ça m'a un petit peu touché, mais je comprends les critiques sur Internet qui te disent qu'on est dans un style enfantin, parce qu'effectivement, bah, Witch, à la base, ça s'adressait à des pré-ados, principalement pré-ados, ados, max. Donc, forcément, quand on est dans ce style-là, dans une BD comme ça, dans Nati, bah oui, effectivement, c'est un style un peu enfantin. Moi, je kiffe parce que c'est super coloré, voilà. Mais je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient dit, bah, ça fait un peu BD pour enfants. Surtout que le scénario n'est pas non plus très élaboré. En soi, on est sur un scénario un peu à la Jasmine dans Aladdin. D'accord. Donc, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc là aussi, je peux comprendre que pour certaines personnes, tu te dises, bah, bof, BD pour enfants. Mais moi, j'étais trop contente parce que je suis redevenue une enfant. Voilà, j'ai adoré, j'ai fait oui, c'est prévisible, oui, on sait où est-ce que ça va aller, oui, je vois totalement les métaphores, les parallèles, les petits sujets que ça essaye d'aborder quand même. Ça essaie quand même d'aborder deux, trois sujets un peu importants avec le mariage forcé, etc. Mais j'étais contente. Voilà, je l'ai dévoré comme un petit bonbon. C'était mon petit moment à moi un peu sucré, un peu nostalgique. Donc voilà, j'étais très contente. Non, c'est mignon, Julie. Voilà. Ça aussi, tu veux l'emporter? Tu veux la... Comment? Non, ça va. Oh! Comment je me suis fait jeter? Pas pour l'instant, ça va, ça va. Ok. En tout cas, sachez Désolée. que cette BD, elle a quand même remporté un prix, puisqu'elle a eu le Silver Manga Award à Tokyo en 2009, et que le dessinateur, alors c'était dans ses tout débuts quand même, hein, comme BD, puisqu'il y a eu pas mal de critiques aussi en disant que son trait était pas très assuré et tout. Bon, c'était dans ses premières BD à Melville, et mine de rien, le monsieur aujourd'hui, il travaille en tant que directeur artistique chez Ubisoft Montréal. Ah, Ubisoft. Oui. Oui, puis dernièrement, il a bossé sur un jeu, un vidéo indépendant aussi, Child of Light. Peut-être que ça vous parle de nom, vous l'avez peut-être vu passer. Ça Mais me dit voilà, c'est lui qui rien, a fait aussi je vais regarder. le design du personnage principal. Ok. Voilà. Bon, après toutes ces bonnes petites lectures, je vais passer à la BD qui m'a le plus saoulée. Ah, je me disais aussi, c'était trop beau, tu vois. Il y a que du positif pour l'instant. Ce n'est pas normal. Eh bien, c'est là que je vais être un peu plus difficile. Je vais vous Allez, on parler t'écoute. de India Dreams. Donc, c'est en fait réalisé par un couple, je vous l'ai dit tout à l'heure. On retrouve Jean-François Charles et son épouse Maryse Charles. Maryse, elle était plutôt au scénario et son épouse, c'est le dessinateur. Et il aime bien travailler directement à la couleur, donc lui aussi il utilise l'aquarelle, donc c'est lui qui a fait le dessin et la colorisation en fait en même temps. Et c'est une BD qui est sortie aux éditions Casterman, enfin en 2002. Vous l'avez peut-être déjà vu passer parce que ça a été très long aussi, ils ont travaillé pendant 10 ans dessus. Il y a eu 10 tomes qui sont sortis au total. Et pour vous donner une idée, en fait ces 10 tomes, ça englobe deux cycles, c'est-à-dire que vous pouvez lire indépendamment, en fait, les cinq premiers tomes ensemble ou les cinq derniers tomes ensemble, puisque ça fait en fait deux cycles D'accord. différents. Alors je dis cinq, mais en fait c'est pas tout à fait vrai. Mais en gros, moi du coup, j'avais récupéré le coffret avec les cinq premiers tomes qui font donc un premier cycle. Donc ce premier cycle-là, l'idée c'est de suivre trois générations de femmes d'une même famille depuis les années 20-30 jusqu'aux années 80. Donc on a une première génération qui est sous l'empire colonial britannique autour des années 30. Ensuite, on a sa fille, où on est cette fois plutôt dans la période de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, donc années 40. Et ensuite, de la petite fille, où cette fois, on est avec voilà, les années 80, en gros. Ok. Et si jamais ça vous intéresse de lire cette BD, je vous conseille de toute façon de prendre un coffret. Pourquoi? Parce que un seul tome, ça vous donnera pas envie d'aller voir la suite. Et c'est surtout que c'est construit de telle façon où l'idée, c'est que normalement, ça fait croiser ces trois destins en même temps. Donc en fait, ça te donne des pistes sur les trois destins en même temps, mais ça les résout jamais. Ce qui fait que quand tu lis le tome 1, il y a plein de débuts de pistes, mais tu sais pas où ça va aller. D'accord. Mais c'est fait de telle façon que t'as quand même Si jamais t'as que le tome 1, moi je me suis vue à la fin du tome 1, je me suis dit, est-ce que vraiment j'ai envie de lire le tome 2 si je l'avais pas eu sous la main? Franchement, c'était non. Ok. Donc si vous voulez vraiment avoir le fin mot, il faut avoir les 4 premiers tomes. Pourquoi les 4 premiers tomes? Parce qu'en fait, le cinquième, c'est un tome bonus qui réexplique toute l'histoire de A à Z, avec des illustrations qui sont même pas forcément nouvelles, mais qui reprennent des illustrations que l'on voit dans les BD. Parce que l'histoire est tellement mal branlée que tu comprends rien. Et donc il faut un tome qui te réexplique tout dans l'ordre chronologique. Bah, c'est pas normal, ça. Non, c'est pas normal! Ce n'est pas normal du tout. Bah non. Donc je lisais ce truc, je me disais, putain, mais je comprends rien, je suis débile ou je suis débile? Et donc je lis, je suis putain, c'est compliqué, ça va dans tous les sens, ça passe d'une génération à une autre, mais t'arrives pas à raccrocher les wagons, tu sens qu'il y a une intrigue, mais tu la comprends pas ou tu t'en fous en vrai. Et d'un seul coup, le dernier tome te donne en gros un peu la résolution de toutes ces espèces d'intrigues dont t'as un peu rien à foutre, mais c'est vraiment exposé en mode ça y est, c'est la dernière planche, et donc là je vais te mettre du texte partout pour que tu comprennes tout ce qui s'est passé depuis le début. Tu fais ouais. Et j'attrape le tome 5 en me disant, mais c'est bizarre parce que là je viens de le finir, l'histoire, le cycle. Et là j'attrape le tome 5 et je vois que c'est littéralement comme un roman illustré qui réexplique toute l'histoire. Je fais, bah putain, j'avais juste à lire le tome 5 en fait. Et je me suis dit, les gars, votre truc il est tellement mal foutu qu'il a fallu un tome qui réexplique tout. C'est que ça va pas du tout. Ah bah non, Et alors non, rassurez-vous, non. tous les commentaires pensent la même chose. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mal branlée? Bref. Donc, Maryse, pas ouf, pas ouf ton travail. Visiblement, son mari lui a rien dit. Et bon, donc forcément, bah déjà, quand la lecture, elle est pas folle, bah c'est déjà pas terrible. Je veux dire, bon, t'as quand même envie de lire une BD pour son histoire. Et là, j'en avais rien à foutre du destin des Oh. unes et des autres. Surtout que ce qui n'aide pas, bah mine de rien, c'est le dessin. Parce que autant Jean-François Charles fait de très beaux décors, ça c'est vraiment le dessin est vraiment bien fait, c'est minutieux, il y a du détail, tout ce qui est de l'ordre du paysage, c'est très joli. Mais alors, les personnages, en fait je trouve qu'ils ont un style daté. Bon, le monsieur n'est pas jeune, mais je trouve que le style fait vraiment daté. Donc effectivement, je pense que quand toute ta vie t'as illustré des choses et dessiné d'une certaine façon, bah c'est pas demain la veille que tu vas la changer. Mais aujourd'hui, Ouais. je trouve que ça sent une certaine époque, quoi, un certain style de BD, et notamment dans le fait que les personnages ont des visages qui sont inexpressifs. OK. Tu vois, qui ont très peu de détails. C'est limite si t'as pas deux poings, un nez et une bouche en trait, tu vois, très vite fait. Ah, bah je pourrais le faire alors, moi aussi, je pourrais faire des BD. Bien sûr. Et donc, quand t'as des personnages qui sont inexpressifs et qui te disent avec la même gueule, il pleut et je t'aime, bon, t'as un peu du mal à t'impliquer dans leurs histoires. Donc déjà que l'histoire elle est compliquée, elle est pas très intéressante. Mais en plus t'as des personnages qui sont pas expressifs. Franchement, moi je m'étais attachée à aucun personnage, ça m'intéressait pas, j'en avais un peu rien à foutre de ce qui leur arrive à ces héroïnes. Et voilà, enfin, c'est voilà, c'était pas mon style, ça m'a pas permis d'accrocher. Et en plus, il utilise une palette monochromatique. Alors, Ah. je m'étais dit, oh, quitte à faire des palettes de couleurs, je sais pas, choisis une gamme chromatique par période. Genre un peu dans les tons neutres, sépia pour le côté années 30, un côté un peu grisaille pour les années 40, parce que c'est la guerre, tout ça, et puis une palette colorée, tu vois, pour les années 70-80, wouh, YOLO! Mais en fait, non, tout le long, t'es dans des tons de beige, de marron, de gris, c'est très neutre, et du coup, c'est très fade. En fait, j'ai trouvé ça vraiment très fade. Et bon, c'est un parti pris, parce que visiblement, l'auteur, dans une interview, il explique que il est ultra fan de comment? De David Lean, qui a réalisé la Route des Indes. Ça te parle? Ça me dit vaguement quelque chose. Je crois que j'avais dû la voir à la Fnac. Ça me dit quelque chose. Ouais, moi je l'ai vu ce film. Alors effectivement, bah, la Route des Indes, c'est pareil, c'est des. Ok, c'est des grands paysages naturels et tout, donc forcément on a des tons un peu neutres et tout. Bon, en soi, le film est pas ouf. Enfin, moi, je l'ai vu, franchement. Bon, c'est une adaptation d'un bouquin qui a été écrit sous l'Empire colonial par des Britanniques, je vous laisse deviner la tête du truc. Et bon, ok, certes. Oh, d'ailleurs, j'ai rigolé, anecdote. Je cherchais des commentaires pour voir un peu ce que les gens disaient sur ce cycle de BD, et je crois que c'est sur Babelio. Le premier commentaire que j'ai vu, ça donnait tellement de détails, genre, oui, le couple, suite à un voyage en Inde de 3 semaines, s'est senti inspiré pour faire cette BD. Aurait-il été inspiré par David Lean et la route des Indes, puisque c'est marrant, l'un des personnages ressemble à Laurence d'Arabie. Je fais, Jean-François, on t'a vu. Jean-François, c'est toi qui es en train d'écrire ce message. Je me suis dit, c'est eux, ils ont fait un message, genre, oh, c'est fantastique comme travail. Voilà, ça m'a un peu fait marrer. Mais donc voilà, j'ai trouvé ça en plus visuellement un peu fade. Donc moi, j'ai pas du tout Ouais, ça aide accroché. pas Alors, quoi. il y a des gens qui adorent, de ce que j'ai vu sur les commentaires, donc ma foi, très bien, peut-être on n'a pas tous la même sensibilité. Moi, je me suis ennuyée, j'avais pas très envie de voir la suite, j'ai trouvé ça tiré par les cheveux, j'ai pas du tout aimé, enfin j'ai trouvé que les personnages étaient creux et aussi fades en fait que le décor. Alors il y a des pseudo-scènes qui se veulent sensuelles, parce que c'est le côté un peu exotique de l'Inde, bah en fait j'ai trouvé ça bah, fait par un homme, voilà, j'ai trouvé que c'était cliché, pas du tout sensuel pour un sou. Il y a une des romances, je trouve qu'elle est à la limite de l'inceste, du coup j'étais très dérangée. Ah Bon. bah ça a l'air sympa, dis donc. Vraiment, j'ai Alors, pas du tout aimé. non seulement le scénario est nul et incompréhensif, mais en plus de ça, c'est mal dessiné. Non, mais il y a des trucs, tu te dis, mais comment ça a pu être publié, quoi? Non mais c'est qu'il y a forcément eu des gens hyper clients, juste c'était pas moi quoi, parce que ça a duré 10 ans. Donc pour qu'une maison d'édition accepte quand même de financer le travail sur 10 ans et qu'ils fassent 10 tomes, surtout qu'ils ont fini un premier cycle et derrière on leur a dit bah allez-y démarrez un deuxième cycle. Le deuxième cycle il est sur la période plus autour de la révolte des Sipayes. D'accord. Donc c'est un, tu vois c'est une autre histoire indépendante. Mais bon voilà donc c'est qu'il y a quand même eu des gens clients et des gens qui ont adoré. Bah, juste, c'était pas moi. Et bah, tant pis, écoute. Je ne te la piquerai pas, voilà. Donc bon, ma foi, après, vous pouvez vous faire votre propre avis. Pour ceux qui veulent, encore une fois, on avait déjà fait un post sur Insta, donc vous pouvez aller voir des photos, notamment de certaines illustrations, pour faire une idée et voir si c'est un style graphique qui vous plairait ou pas. C'est vrai que c'est de plus en Voilà. plus diversifié, je trouve, maintenant, le style graphique. Enfin, tu sais, quand on était gamin ou gamine, c'était très codifié, mais maintenant, ça s'ouvre de plus en plus sur différents styles. Par exemple, bah, la BD Fulane Devi, dont on avait parlé l'année dernière, c'est pareil, c'est un style qui est assez différent des BD que je peux lire d'habitude, mais après, on s'habitue, quoi. Je trouve que c'est sympa aussi d'avoir différents trucs, quoi, Bah oui, différents mais comme styles. quand tu m'as passé Podom, c'est encore une fois un style graphique hyper Ah oui, différent. c'est vrai. Oui, c'était hyper spécial, Podom. J'ai eu un peu de mal au début, mais après, on s'habitue. Donc voilà, effectivement, maintenant ça se diversifie beaucoup et donc bah faut juste trouver les styles qu'on aime bien. Voilà, tu feuillettes et tu dis ah oui, ça me plaît bien. Bon bah là, pas de bol, India Dreams, pour moi c'est non. Oh. C'était ta Voilà. première déception de l'été. Bah il en fallait bien, non mais j'en ai une autre, hein, vous inquiétez Je pas. sais que t'en as une autre. Mais vous aimez ça. Vous dites oh non, si Julie elle aime tout, c'est pas drôle. On aime Bah, bien c'est quand pas elle râle. normal. C'est pas normal, surtout si tu aimes tout. Mais en tout cas, j'ai remarqué quelque chose, puisque tu n'arrêtes pas de parler de couleurs depuis tout à l'heure. En fait, les couleurs dans les BD, c'est aussi important que les musiques dans les films pour toi. Oui. On est, voilà, couleurs, musique, même combat. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, bah écoutez, à chacun ses préférences, mais Ses effectivement, obsessions. j'ai besoin de couleurs. J'ai besoin de couleurs dans ma vie, dans ma lecture. T'as besoin de couleurs et de musique. Bah oui, mais franchement, c'est pas ça le bonheur de la couleur et de la musique. Regarde, c'est Mérénam tout, de la musique et de la couleur partout. Alors, c'est un petit peu simplifier la vie, mais bon, d'accord, Julie. On va dire que c'est ça le bonheur. C'est le bonheur pour toi, voilà, mais pas pour tout le monde. Bon, et ben voilà, ça c'est fait pour la partie BD. On espère que Bah voilà, que vous trouverez quand même un petit peu votre bonheur là-dedans. Mais moi, je suis tellement tentée par Lakshmi. Et en fait, par toutes les... Enfin, par toute la série de cette BD, tu vois, genre en plus il y a Aliénor, je crois qu'il y a Cléopâtre aussi, j'ai tellement envie de les lire toutes ces BD. Ouais. Alors attention parce que c'est pas forcément toujours les mêmes scénaristes ni les mêmes illustrateurs. Ouais, mais c'est pas grave. J'ai envie de les lire quand même. Bon alors, et maintenant, si tu nous parlais un petit peu de ton roman. Mais avec plaisir. Alors, donc le roman que j'ai choisi de lire s'appelle Dans la ville d'or et d'argent. Il a été écrit par Kenize Mourad. Alors, il faut d'abord que je vous parle un petit peu d'elle avant de parler du roman. En fait, Kenize Mourad, c'est une autrice et journaliste française, mais elle est d'origine turque et indienne. En fait, sa maman, la princesse Selma, était donc une princesse turque, membre de la dynastie ottomane, qui a été mariée à un raja indien. Et sauf que la princesse Selma, en fait, apparemment, était hyper sous tension, quoi, à la cour indienne. Du coup, elle a décidé de partir accoucher de sa fille, donc Kenize Mourad, pour Paris. En fait, elle est partie vivre à Paris, accompagnée d'un eunuque qui s'appelait Zenel. Et donc, Kenize Mourad est née en France le 14 novembre 1939. Sauf que sa mère est morte pas longtemps après. Donc du coup, elle a été élevée par d'autres personnes. Et vers l'âge de 20 ans, elle est partie en Inde pour rencontrer sa famille indienne et notamment son père. Et elle a écrit deux romans qui retracent un petit peu son épopée familiale, qui s'appellent le premier De la part de la princesse morte, qui parle surtout de l'histoire de sa maman, et Le jardin de Bahadalpour, qui va plus être concentré sur la vie de son père et comment est-ce qu'elle a vécu sa rencontre avec sa famille paternelle. Et du coup, j'ai très envie de les lire Mais j'allais te également. dire, mais il nous faut ces livres. Mais oui! Mais je veux savoir ce qui se passe dans cette famille. Non, mais voilà, ça a l'air ouf, tu vois. Et elle a sorti en 2010, donc dans La ville d'or et d'argent, qui retrace l'histoire vraie d'une femme qui s'appelait Hazrat Mahal, qui était l'épouse du roi du royaume d'Awad. Et je t'ai parlé, enfin, tu as parlé tout à l'heure de Lakshmi Bai, je t'ai dit gardons ça en tête, puisque le roman se situe en 1857. Voilà. Donc, Lakshmi Bai. Eh ben, elle a connu donc Hazrat Mahal, mais c'est pas une femme qui est très très connue. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas l'impression que Bollywood ou une autre industrie indienne ait fait de films sur elle. Du coup, je suis extrêmement frustrée parce que cette femme a eu une vie absolument incroyable. Mais attends, mais du coup, c'est un roman. C'est un roman, mais elle se base sur l'histoire vraie d'Hazrat Mahal. D'accord. Donc c'est pas non plus une biographie romancée. Parce que ça tourne Non, pas que là autour d'elle, c'est... on est vraiment sur un roman là, D'accord. vraiment roman. Et donc en fait, Hazrat Mahal à la base, elle s'appelle Mohammadi et elle a été, enfin, elle a eu une enfance un petit peu dans la misère et tout. Elle a été vendue pas un bordel, mais à une maison de courtisane où on apprend aux jeunes filles à bien se comporter et tout ça pour avoir ensuite des protecteurs. Et elle a été repérée par le roi d'Awad, qui s'appelait, j'ai oublié son nom, je vais le retrouver tout à l'heure, et il l'a prise comme épouse. Alors il y a juste quelque chose que je comprends pas, c'est que dans son roman, Kenize Mourad, elle nous dit que c'était sa quatrième épouse. Et moi, en faisant quelques recherches, j'ai vu que c'était sa deuxième. Du coup, je ne sais pas trop. Toujours est-il que lorsque les premières révoltes vont commencer à éclater à partir de 1856, son époux va être exilé à Calcutta. Enfin, il va se réfugier à Calcutta, où il va rester jusqu'à sa mort. Et en gros, plus les événements vont avancer, plus on va lui dire, bon, par contre, faut faire quelque chose là, on n'a plus droit. Qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, elle va décider, avec l'aide d'un autre raja qui s'appelle Jelal, bah, de devenir la nouvelle reine-mère et de faire couronner son fils qui a 11 ans pour pouvoir dire, bah voilà, maintenant on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et en fait, elle va diriger plein d'opérations, plein de batailles contre le Raj britannique. Et c'est incroyable comme histoire, vraiment. Mais du coup, ça a l'air quand même vachement sourcé, vachement historique. Je vois pas trop où est Ah la... Je oui! vois pas trop où est la dimension romanesque. Bah, c'est juste qu'elle a fait ça sous la forme d'un roman, quoi. C'est un roman historique, c'est tout. D'accord, mais je vois pas trop la différence avec le roman biographique. Bah, c'est un roman, c'est pas une biographie. Oui, mais donc Enfin, je sais pas, ça, mais ça se c'est ça rapproche ta de ce qu'on question. a quand on lit une passion indienne, parce Non, non, que... non, ça n'a rien à voir au niveau du style, en fait. En fait, au niveau du style, dans Une passion indienne, ça se voit vraiment que c'est une biographie romancée, mais là, c'est vraiment sous la forme d'un roman. Parce qu'en fait, dans le style d'une passion indienne, je trouve que tu as vraiment eu des tournures de phrases qui font très biographie et qui font pas du tout roman, alors que là, c'est vraiment du roman pur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, ce qui me perturbe, et ça va être la critique que j'ai avec Hindu Boy, c'est que du coup, enfin, t'as l'impression que c'est presque une biographie, mais c'est juste parce que ça comble quelques trous que ça s'appelle un roman. Ouais, je pense. Non, ou c'est juste qu'elle a voulu raconter l'histoire de cette femme sous la forme d'un roman, c'est tout. Oui, bah pour moi ça se rapproche d'une biographie quand même. Eh, tu chipotes. Bah non, parce que un roman, pour moi c'est parce que tu fais vraiment de la fiction. Là, si tu Bah non, pas racontes, forcément. oui, dans mon Non, le... imaginaire de personne qui n'est pas dans la littérature, Alors. quand tu me parles d'un roman, pour moi on est sur de la fiction et pas Alors. sur, je te raconte toute la vie de quelqu'un, mais parce que je l'écris d'une certaine façon, c'est plus, une biographie. Veux-tu que je te lise l'avertissement? Elle nous dit, s'agissant d'un roman et non d'une biographie, nous nous sommes permis quelques libertés en veillant toutefois à respecter les caractéristiques de la société de l'époque. Ok. Donc son mari, c'était Wajid Ali Shah, qui a été le dernier roi du royaume d'Awad. Et l'intrigue se passe principalement dans la ville de Lucknow. Et donc on va la suivre pendant à peu près 3 ans. Combattre pour l'indépendance de l'Inde. Et en fait, en lisant sa vie, je me suis dit, mais c'est incroyable, pourquoi est-ce que cette femme n'est pas plus connue que ça, quoi? Même dans son propre pays, on met beaucoup plus en avant, bah, du coup, Lakshmi Bai, donc Manikarnika. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que elle n'est pas mise en avant plus que ça? Parce qu'elle était ultra badass, elle a dit, non, non, non, on va faire ça, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais couronner mon fils, c'est moi qui commande. Et vraiment, c'est incroyable. J'ai adoré. Ah, ah, oh, ça m'intrigue. Ah, mais je pense que ça te plairait. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, du coup, alors, je ne sais pas si du coup ce détail-là est vrai, mais j'ai parlé tout à l'heure du Raja Jelal, qui était un de ses plus puissants alliés. Et effectivement, dans le roman, ils vont avoir une histoire. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Mais j'ai pas trop. En fait, c'est très bizarre parce que dans le résumé, elle te dit vaste fresque historique sur fond de passion amoureuse. Sauf que la passion amoureuse, elle arrive à 100 pages de la fin, s'il te plaît. Et moi, j'étais, bah alors, elle arrive quand la passion amoureuse? À la fin. Ah bon, bah non, alors, dis pas ça comme ça. C'était peut-être pour quand même appâter le chaland plus que dire juste une fresque historique Ouais. parce que les gens se diront oh non, super, un cours d'histoire, ça va être chiant. Ouais. En fait, ouais, j'aurais juste un petit reproche à faire sur effectivement la naissance de cette histoire d'amour que. Bon, je peux comprendre, mais après, si c'est pas arrivé, est-ce que c'était nécessaire? Je ne sais pas. Et donc, cette femme avait fait le souhait de ne jamais retourner en Inde si elle était toujours sous le joug de l'Empire britannique. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé parce qu'elle est décédée à Katmandou en 1887. Ah non, 1879, pardon, excuse-moi. Elle est décédée en 1879 là-bas en exil. En fait, elle refusait de retourner en Inde parce que, bon, on le sait, la révolte des Sipayes a malheureusement tourné un petit peu court au final. Et elle s'est battue jusqu'à la fin pour pouvoir vaincre l'envahisseur anglais, retrouver la liberté de son pays. Mais malheureusement, ça n'est pas arrivé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce roman, c'est que l'autrice, à chaque fois, elle va citer des extraits de journaux d'époque, que ce soit des journaux intimes de lieutenants ou de généraux anglais, ou genre le Times, enfin le London Times, ou je sais plus quoi, qui va titrer telle ou telle chose. Et en fait, elle va à chaque fois sortir des véritables citations d'hommes politiques, des extraits de lettres qu'on peut être échangés à l'époque, ce genre de choses. Et ouais, j'ai trouvé ça trop bien, quoi. Non, mais ça a l'air super bien. C'est pour ça que je suis frustrée que ça s'appelle juste un roman et pas qu'ils aient accepté d'appeler ça un roman biographique, tu vois, ou une biographie romancée comme pour Javier Moreau avec Sa passion indienne, parce que ça a l'air d'être dans la même vibe, où vraiment il y a quand même beaucoup de, comment, de recherche et de vérité historique, avec juste un petit peu de rajout autour, genre pour faire des liaisons, quoi. Mais. Ouais. Mais non, allez, c'est bien un roman. Ok. Ouais, je trouve ça un peu bizarre. Mais du coup, oui, ça donne envie de le lire et puis aussi de découvrir les autres romans de l'autrice et de son histoire familiale. Là, ça a l'air incroyable. Bah ouais, t'as vu ? Ça a l'air fou. Et du coup, il y avait un parc à Lucknow qui était appelé le Old Victoria Park. Et il me semble que c'est Nehru, en 1957, pour célébrer justement les 100 ans de la révolte des Sipayes, qui a renommé le parc au nom de Hazrat Mahal. Et voilà. Mais du coup, sa tombe est toujours à Katmandou, par contre. D'accord, ok. Et j'aurais quelque chose à ajouter aussi, parce que j'ai fait une découverte en le lisant. En fait, Hazrat Mahal, donc son mari... Wajid Ali Shah a été exilé, enfin, est parti à Calcutta et a été emprisonné là-bas. Et la maman de ce roi, Malika, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé. Parce que je trouve que c'est incroyable, surtout si vous habitez à Paris ou si vous projetez de visiter Paris. Malika Kishwar, donc qui était la belle-mère de Hazrat Mahal, elle a voulu partir en Angleterre pour plaider la cause de son fils et protester aussi contre l'annexion du royaume d'Awad par les Anglais, qui a été fait de manière un petit peu sauvage et forcée. Oui, voilà. Et ben oui, parce qu'en fait, en gros, on t'explique au début du roman que normalement, les Anglais n'auraient pas dû investir le royaume d'Awad comme ça. C'est juste qu'ils ont pris, ils ont pris un faux prétexte en mode « Non, mais le roi d'Awad, il a pas tout à fait respecté ce qu'on lui avait dit de faire. Bon, bah du coup, c'est à nous maintenant le royaume. » Oui, bah, comme ils ont fait un peu partout en Inde. Oui, mais bref. Voilà. Et donc, la mère du roi, la Rajmata, s'est rendue à Londres pour essayer de voir la reine Victoria pour lui dire « Écoute, cocotte, t'es gentille, mais... hein. » Dégage. Voilà. Et apparemment, elle ne l'aurait jamais rencontrée. Et elle serait repartie en Inde. Enfin, elle est repartie pour l'Inde en passant par Paris. Et elle est décédée à Paris, et elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise. Donc vous avez une Rajmata, Malika Kishwar, la mère du dernier roi du royaume d'Awad, qui est enterrée au cimetière du Père Lachaise. Est-ce que vous le saviez ? Bah non, et pourtant c'est pas faute d'être allée plusieurs fois au Père Lachaise. Hein. Bah ouais, en fait, vous vous rendez compte, on a une bégum indienne qui est décédée en 1857, qui est enterrée au cimetière du Père Lachaise, et on ne le savait même pas. Et mais du coup, j'ai trop envie d'y aller. Mais le truc, c'est que je crois que sa tombe, elle est quasiment pas repérable, parce qu'elle a presque elle a disparu. Elle n'a pas de stèle, elle ressemble juste à un grand bloc de béton dans un coin, donc tu passes à côté, quoi. Bah ouais, en fait, elle n'est pas entretenue, donc je pense qu'il y a beaucoup de végétation qui l'a envahie, parce que j'essayais de regarder des photos, mais bon, il n'y a pas grand-chose, et je ne sais même pas où elle est exactement dans le cimetière du Père Lachaise. Oui, parce que là, c'est énorme. La taille du cimetière. Oh oui. Mais du coup, j'étais pas du tout au courant, et je trouve que c'est un détail qui est super intéressant à connaître si jamais vous habitez à Paris ou que vous êtes de passage dans la capitale et que vous allez visiter le cimetière du Père Lachaise. Mais essayez de la repérer, parce que c'est incroyable, moi, je trouve, cette histoire. Voilà, on va être obligé d'y retourner. Ah là là, quel dommage. Vas-y, on va faire nos photos Instagram là-bas et tout. Oh, c'est bon, on le connaît, le cimetière, il a l'habitude de nous voir déambuler. C'est très bizarre dit comme ça. On a l'impression qu'on y va toutes les semaines pour faire des messes noires. Non, non, il n'y a que toi qui croises des gens chelous. Mais ce n'était pas un hasard, c'était... Je sais, je sais. Non. Ton guide vampire. Ah là, non, parenthèse, mini parenthèse. J'ai mon beau-frère et ma belle-sœur qui nous ont offert à mon copain et moi il y a 3 ans une visite du Père Lachaise avec un vampirologue qui s'est rêvé, qui est un monsieur, oui, gentil, enfin encore heureux, mais qui s'est révélé être un véritable illuminé. Et franchement. Mais moi, je suis scandalisée qu'on accepte de payer des gens comme ça, hein. Franchement. Et j'étais absolument sidérée, et tout le long de la visite, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais où est-ce que je suis? Et heureusement que je n'avais pas payé cette visite, parce que là, je crois que le gars, je lui ai dit, non, mais vous me remboursez tout de suite, monsieur, en Mais fait, parce déjà, Mélanie, que. à quel moment t'aurais accepté une visite avec un vampirologue? Mais moi, je pensais qu'il allait nous raconter des légendes sur le cimetière du Père Lachaise, que ça allait être rigolo. Puis c'était un cadeau Noël, tu vois, j'allais pas dire vas-y, garde ta merde et tout. Au départ, moi j'étais pleine de bonnes intentions, puis j'avais eu le malheur de me renseigner sur le bonhomme avant d'y aller, et déjà je me suis dit, il a l'air chelou celui-là, mais bon, on verra bien. Ah bah il est vraiment chelou quoi. C'était épique. Mais du coup, bah j'aurais préféré qu'il m'emmène voir la tombe de Malika, tu vois, plutôt que de nous raconter des conneries sur son ex et puis sur Dracula et tout ça, vraiment. Voilà. Bon, bah sur cette belle anecdote, je vais enchaîner sur mes deux dernières lectures. Bref, non mais juste, lisez ce roman, vraiment, ça vaut le coup pour découvrir la vie d'une femme qui était extraordinaire et qui a joué un très très grand rôle dans la révolte de 1857, et on n'entend pas parler assez d'elle. Et ouais, du coup, on a un extrait d'une lettre qu'elle envoie, enfin que Lakshmi Bai lui a envoyée la veille de sa mort. Enfin, on a la reproduction de la lettre de Lakshmi Bai, et il y a une petite évocation à Mangal Pandey aussi au début du roman. Du coup, j'ai pensé à toi. J'étais acheté, oh, la bromance, voilà. Oui, puisqu'on a fait un épisode hein, sur Mangal Pandey, si vous ne Oui. le saviez pas. Et au fait, toutes les références, on vous les mettra en description de l'épisode hein, pour que vous puissiez les retrouver, puisque sinon, vous n'allez pas repartir en erreur. Attends, elle a dit quoi? La ville de quoi? D'or et d'argent? Voilà, mais c'est. Et ça me donne très envie de visiter la cité de Lucknow, même si elle a été en grande partie détruite par les Anglais lorsqu'elle a été prise en 1857. 58, pardon. Très Voilà. bien, merci Donc, Mélanie. voilà, en conclusion, des bonnes lectures pour moi, surtout ce roman. Oui, bon, sur deux en même temps, c'est plus facile de faire des. Certes, certes. Oui, bah écoute, l'année dernière, j'en ai eu 3. Il y en avait une qui avait été un véritable désastre, l'inconnu de Bangalore, qui a quitté ma bibliothèque depuis, d'ailleurs. Hein. Je me suis dit, oh, toi, tu dégages. Hein. Alors, je veux enchaîner. Du coup, sur un roman, un vrai selon moi, où c'est de Non, la mais. pure fiction, avec meurtre dans un jardin indien, d'un auteur dont je vous ai déjà parlé l'an dernier, puisqu'il s'agit de Vikas Swarup, qui est donc né à Allahabad et qui est à la base diplomate. Il a fait la plupart de sa carrière en fait dans plusieurs pays en tant que diplomate. Il est devenu secrétaire du ministère des Affaires étrangères entre 2015 et 2021, rien que ça. Et entre deux, il est aussi devenu auteur, et notamment du célébrissime Les fabuleuses aventures d'un Indien malchanceux qui devint milliardaire, aka Slumdog Millionnaire, Ça va plus vite comme qui est ça. donc en fait son premier roman. En vérité, le titre original c'est Q&A, et qui est sorti en 2005. Donc l'an dernier, j'avais lu en fait, il n'a fait que trois romans, donc le premier qui a été un succès phénoménal. L'an dernier, j'ai lu en fait son troisième roman, celui qui était sorti en 2014, qui en version originale s'appelle The Accidental Apprentice, et qui en français, donc c'est pour quelques milliards et une roupie. Donc je vous renvoie à l'épisode de l'an dernier pour plus de détails sur ce que je disais sur ce roman-là. Mais en gros, je l'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et cette année, ça se confirme, je pense que j'aime beaucoup le style en fait de Vikas Swarup. Et donc, je pense très honnêtement que assez rapidement je vais aller lire en fait le tout premier Q&A qui est donc en gros le Slumdog Millionnaire parce que vu le style de Vikas Swarup je suis assez étonnée de l'adaptation finalement qui en était faite par Danny Boyle avec son film qui est super mélodramatique qui est ouais qui est triste etc. Je me demande dans quelle mesure il a vraiment été adapté ce bouquin parce que Vikas Swarup a un style qui est plutôt léger en fait.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Il aborde des thématiques qui sont très importantes et très graves, mais il le fait dans un style tellement léger que c'est pas éprouvant de lire dessus. Il l'amène d'une certaine D'accord. façon où, à chaque fois, les romans que tu lis, tu suis des histoires, tu suis toujours plein de personnages. Il aime bien avoir beaucoup de personnages dans ses romans. Et voilà, ça aborde toujours tout un tas de sujets, mais c'est pris dans un mystère ou dans une intrigue et c'est amené de façon pas du tout dans le pathos et dans le mélodrame comme avait pu faire du coup Danny Boyle avec son film. Donc, je serais curieuse de voir vraiment la version écrite de Slumdog Millionaire. Et donc cette année, j'ai lu le deuxième roman de Vikas qui s'appelle Six Suspects, sorti en 2008, mais en français, vous le trouverez donc sous le nom de Meurtre dans un jardin indien. J'aime bien comment les titres français et les titres anglais n'ont absolument rien à voir. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et il faut savoir que le roman, du coup, il a eu le droit quand même à une adaptation en série de 9 épisodes. Il est sorti en 2022 sous le nom, alors toujours rien à voir, tu vois, ils auraient pu l'appeler Six Suspects, ils l'ont appelé The Great Indian Murder. Du coup, ça se rapproche presque du titre français. Ah, j'avoue. Et c'est produit par Ajay Devgan. Oh, tu Ouais. déconnes? Non, non, c'est vrai. Ah, C'est produit par Ajay, ça a été diffusé sur Disney Plus Hotstar. Et je suis un peu frustrée parce que autant j'ai pu voir la bande-annonce, j'ai trouvé les épisodes mais en version VO et je les trouve pas avec des sous-titres, donc je suis un peu frustrée. Là, j'avais envie de voir à quoi ressemblait l'adaptation en série du bouquin que j'ai lu. Bon, tant pis, je retenterai ma chance plus tard peut-être si j'arrive à trouver. Et du coup, ce roman, eh ben, je l'ai beaucoup aimé, comme celui de l'an dernier. Cette année, on est dans un style un peu différent, parce que la structure du roman, c'est que dès le début, on sait qu'il y a un meurtre. C'est raconté par un journaliste, on nous dit qu'il y a un certain Vicky. Alors, si je puis me permettre, dès le titre, on sait qu'il y a un meurtre. C'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le meurtre arrive dès le début. Est-ce que, attends, est-ce que le meurtre, il se passerait pas dans un jardin qui serait indien? Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est dans un jardin, mais enfin, je le voyais sur une terrasse parce que c'est un milliardaire, le mec. Donc, j'ai pas trop souffert. Oui, c'est dans un jardin. Ouais, d'où le titre au final. Oui, le titre est correct. Bon bah ça va alors. Bref, dès le début, on nous explique que dans une soirée chez le milliardaire Vicky, celui-ci se fait assassiner, mais que bon, tout le monde n'est pas vraiment triste parce qu'en gros, tout le monde savait que c'était un énorme connard. Ah bah ça va alors. Et on nous dit, enfin le journaliste nous dit, mais voilà, la police a six suspects, d'où le nom du titre en anglais. Six Ah. suspects, on a six suspects qui sont machin, machin, machine, machin, machin. Et le roman est ensuite construit sur une première partie où la première partie s'appelle en gros les suspects. Et en fait, on va avoir un chapitre par personnage. Et ces chapitres peuvent être soit d'un point de vue externe, soit d'un point de vue interne, en fonction du personnage. Et ce chapitre nous permet de découvrir un petit peu plus qui est finalement le personnage. En fait, c'est monté comme un tribunal presque, parce que tu as cette première partie où on nous présente les suspects, et puis on va arriver sur une deuxième partie qui s'appelle les mobiles. Et là, pareil, on va reprendre par chapitre l'histoire d'un personnage, suivre sa vie pour comprendre à quel moment il peut avoir un mobile pour avoir tué le fameux Vicky. Et ensuite, on va arriver sur une troisième partie où finalement, on va arriver sur une espèce de, en gros, de jugement procès où là, on va voir un peu tout le dénouement final, les hypothèses, ce que la police va en tirer pour essayer de savoir qui est le coupable. Donc en fait, c'est une structure assez intéressante, je trouve. Maintenant, il faut aimer le fait que ce soit pas finalement, comment dirais-je, bah, d'un seul bloc. avec un seul personnage, tu vois, principal, genre un inspecteur qui irait de personnage en personnage pour découvrir ce qu'il se passe, quoi. T'es pas dans un, je sais pas, dans un Cluedo, quoi. T'es pas dans un Ok. whodunit avec cet inspecteur ou cette espèce de personnage qui mène l'enquête. C'est vraiment toi, tu lis ça comme si tu suivais un peu un procès. Mais tu suis pas Ça vraiment. m'intrigue. Parce que tu suis pas vraiment hein, le procès, tu découvres les histoires des gens. Et au départ, tu te dis, c'est un peu bizarre parce qu'ils sont tous. Chacun, ils vivent leur vie. Tu vois pas trop de connexion. Et en fait, au fur et à mesure que tu avances dans le livre, tu finis par te rendre compte qu'en fait, ils ont tous des connexions d'une manière ou d'une autre. Ok. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant parce que tu te dis, ah, donc lui, en fait, est arrivé à un moment donné dans la vie de lui, qui a croisé elle. Mais en fait, ces deux-là, ils se connaissaient déjà. Donc, quelle est la raison pour laquelle il pourrait avoir buté? Et voilà. Et l'intérêt, c'est que chacun de ces personnages va pouvoir aborder une ou plusieurs thématiques de société. Alors, je pense que Vika Swarup a un énorme kiff avec les stars bollywoodiennes, parce qu'il y a forcément un moment donné où il évoque Bollywood. C'était déjà le cas dans le bouquin de l'an dernier. Cette année, on a carrément une actrice qui voudrait voler la vedette des autres. Genre, il y a tout un paragraphe en mode « Ouais, pourquoi Karina m'a volé mon trophée, celle-là? Vraiment, j'aurais mieux fait de l'avoir à sa place. » J'étais morte de rire. Et vraiment, il se fait un peu plaisir à chaque fois sur le cinéma, sur Bollywood, sur les acteurs et tout, ça me fait trop rire. C'est genre, ouais, tu vois, j'étais au restaurant avec Abhishek. Je trouve ça trop drôle. fangirl. Je te jure. Mais il va vraiment aborder plein de thèmes et notamment des choses qu'on voit pas beaucoup. Il va parler par exemple des populations aborigènes. Il y a un des suspects, c'est justement un indigène d'une île. Indienne qui est au large de la Malaisie, où le truc c'est que c'est des descendants d'une population qui a immigré à la base d'Afrique, donc ils sont plus avec des traits ou caractéristiques africaines, sauf que techniquement ils sont indiens parce qu'à la base c'est quand même une île indienne et ils ont bien des gènes aussi indiens parce qu'il y a eu des croisements génétiques, etc. Mais c'est une île qui vit quasiment isolée du monde, donc ils vivent globalement nus. Voilà, ils n'ont pas d'autres technologies, ils vivent un peu en autarcie, c'est une population qui a été un peu oubliée, et aujourd'hui les services sociaux essayent de la surveiller parce qu'elle pourrait être vouée à disparaître. Mais bref, et du coup, quant à ce personnage-là qui va arriver sur le sol indien, tout le monde le considère comme un étranger, alors qu'il est indien techniquement. Mais un peu comme pour les populations du Nord-Est, ils vont considérer que bah non, t'es pas un indien, t'as pas la gueule d'un indien. Tu vois? Ok, d'accord. Donc il y a cette thématique-là qui est hyper intéressante, et tout un tas de trucs, effectivement, la place des femmes, les violences, bref. Et puis d'autres sujets un peu plus légers aussi, évidemment. Mais voilà, c'est assez malin. Il y a un personnage, c'est Forrest Gump. Je vous jure. C'est-à-dire que c'est un personnage, il n'a pas démarré en mode maman dit toujours que la vie c'est comme. Mais c'est presque ça. C'est un teubé du. Alors lui, on te dit pas qu'il a une maladie mentale, on te dit juste que c'est un gros teubé. Je crois du Texas. Et c'est un mec qui se fait en fait. Comment? Il est victime de phishing. Il se fait arnaquer par un faux profil. Tu sais, d'une indienne en mode oh, donne-moi de l'argent, je suis bloquée dans mon pays, nanani, nanana. Et du coup, il y croit et il se rend en Inde pour l'épouser. Et il y a tout le monde qui fait bah, t'es débile ou. Elle n'existe pas, ta meuf. Et donc, lui, c'est vraiment Forrest Gump, dans la façon de lire le texte, la façon dont ça a été écrit. Mais c'est drôle parce qu'en plus, l'auteur, il a réussi à faire des expressions, mais genre pas possible. Enfin, des expressions un peu. Comment dire. Comment dirais-je, des expressions un peu grotesques, mais il en sort tellement à la seconde, ce personnage-là, tu dis, mais où est-ce qu'il a été chercher toutes ces toutes ces expressions? Et en fait, c'est très drôle parce qu'il va lui arriver un tas de péripéties, il va être emmené un peu partout. Je vous dis, c'est un peu à la Forrest Gump. Mais à la base, j'aime pas Forrest Gump, mais sur le personnage-là, j'ai quand même réussi à adhérer parce que c'est lunaire. Il est un peu lunaire, ce personnage. Ok. Donc voilà, et donc on suit un peu tout le monde comme ça, et je ne vous dévoile pas l'intrigue, évidemment, mais du coup à la fin tu fais ah, c'est donc ça qu'il se passe, et voilà. Donc c'est son deuxième, il l'avait dit c'était son plus ambitieux, parce que forcément gérer six personnages, six histoires, six intrigues, six raisons éventuellement finir par tuer le fameux Vicky. C'est un énorme boulot. Je pense qu'il a dû galérer à trouver des connexions entre les uns et les autres pour que ça reste cohérent. Mais bravo à lui, parce que ça se lit très bien. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai pas vu le temps passer en le parcourant. Voilà, je suis vraiment définitivement fan du style de Vikas Swarup. Ok, bon, bonne lecture du coup. Tout à fait. Je suis très intriguée en tout cas par ce roman, j'avoue. Ben, Très, je te très intriguée. passerai. J'ai trop de choses à lire, Julie, je ne m'en sors plus. Je vais terminer sur une dernière lecture. Ah, vous l'attendiez, c'est celle où je vais Elle râler va de toutes mes forces. bitcher! Ah, Préparez-vous. sortez le popcorn! Je vais vous parler d'Indou Boy de Catherine Clément, autrice française qui a écrit d'autres romans. Alors, effectivement, quand je l'ai lu, j'ai pas trop compris parce que à la base, je cherchais un ouvrage en fait qui parle d'Indira Gandhi. Parce que on le sait, il y a un film qui doit normalement pas trop tarder dans les prochains mois, a priori, avec Mais... Kangana Rano sur Indira Gandhi. Donc ça fait un petit moment déjà que j'écume les documentaires et les recherches pour être au taquet au maximum Non sur mais attends, la personne. ce film on l'attend depuis au moins un an, non? Ah Enfin, oui, il est facile. sorti depuis... J'étais persuadée qu'il était déjà sorti. Ah, toujours pas, non. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas été approuvé par le gouvernement? Je sais pas, mais en tout cas, il n'est pas là. Donc, en attendant, Julie a fait ses petites recherches. J'ai déjà regardé pas mal de trucs et j'avais envie d'avoir un ouvrage écrit en français, notamment sur Indira Gandhi, pour me faire une idée, une autre forme, un autre support sur sa biographie. Et donc, j'étais tombée sur le bouquin de Catherine Clément et je comprenais pas parce qu'il était estampillé roman. Et j'étais là, c'est bizarre que ce soit estampillé roman, mais bon, je vais tenter quand même. Donc, d'où le fait qu'on a eu un petit conflit tout à l'heure, toutes les deux, parce que pareil, je trouve que le style, pour moi, se veut être plus un roman biographique ou une biographie romancée. Puisque l'idée, c'est d'essayer de nous faire connaître la biographie d'Indira. Mais en gros, tu te caches derrière l'appellation roman pour dire oui, j'ai rajouté des petits trucs, mais ne pas me taper sur les doigts si c'est pas exact. Genre l'inverse de ce qu'ils font dans le cinéma indien, tu vois. Où ils te D'accord. disent. Ouais. Tout est exact, tout. Exactement. Et donc, elle a écrit d'autres choses sous cette même appellation de roman, puisqu'elle a écrit le roman du Taj Mahal, La Reine des Sipaïs, donc c'est sur, eh ben, Lakshmi. Mais tu vois, on parle que de Lakshmi. Je te jure. Et elle a Triste. écrit aussi Les Ravissements du Grand Mogol, sur je ne sais plus lequel, un des Akbar à tous les coups. Et donc, à la fin, sur Hindu Boy. Et donc, je n'étais pas du tout contente. Oh, Je pourquoi? suis pas Dis-nous tout. contente pour plein de raisons. La première, c'est que c'est totalement foutraque. Foutraque. Alors, foutraque, c'est-à-dire. C'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est Non, mais d'où totalement. sort ce mot? Dans ma famille, tout le monde dit ça, hein. Un truc qui est foutraque, c'est. Voilà, non, mais ce n'est pas parce que ça se dit dans ta famille que d'autres gens le disent, Julie. Voilà. C'est le bordel, c'est rangé n'importe comment. Et le pire, c'est que ça alterne les points de vue tout le temps. Tu démarres, on va te donner une date, et genre, il y a marqué en dessous, avec deux petits, je sais pas, deux petits ronds pour encadrer, il y a marqué genre L. Au début, je vois le truc, je fais, ça veut dire quoi, L? Et Hein? c'est parce qu'en fait, d'un seul coup, on te fait lire du point de vue d'Indira. Mais le chapitre d'après, on peut te faire écrire telle date, on te le met le nom d'un mec, et en fait, tu es en train de lire d'un point de vue externe, mais à propos de comment a vécu la vie d'Indira ce mec. Comment il l'a suivi, comment il l'a connu, ou comment lui il te raconte une autre version de sa vie. D'accord. Donc déjà, c'est très chelou. Mais donc Ouais. au début, quand je vois ce qui pour moi allait être une biographie, ce truc écrit du point de vue d'Indira, je me dis, what the fuck, mais meuf, tu te mets à la place d'Indira Gandhi pour raconter sa vie. Bon, déjà, j'étais pas très fan. Bon, certes, c'était un roman, c'était pas une biographie, c'est un peu ma faute, mais bon, déjà, j'apprécie pas trop le principe. Et puis, bah forcément, du coup, ça veut dire qu'elle décide de prendre un certain point de vue pour raconter la vie d'Indira. Donc, à certains moments, suivant les tournures ou les prises de position qu'elle prend, tu dis, bah, tu grinces un peu des dents, tu vois. Parce que globalement, finalement, toute la prise de position dans le bouquin, c'est que tout ce qui n'a pas été bien dans le gouvernement d'Indira Gandhi, dans toute la période où elle était au pouvoir. C'est pas de sa faute, ok? D'accord. C'est les autres. C'est son fils, c'est le Parlement, c'est la faute à pas de chance. Voilà, c'est pas elle. Tout ce qui est bien, c'est elle. Donc ça, déjà, ça me saoule. Non, Hein? mais déjà, ça, ouais, tu dis ça, tu dis, ah oui, ça commence bien, effectivement. Voilà, tout le truc. Quoi, la stérilisation forcée de millions de personnes, d'hommes? Alors, sans préciser que la majorité est musulmane. Non, mais ça, c'est un truc de son fils. Elle n'était pas au courant, tu vois. Elle l'a su Non. après, il a fallu rattraper le truc, pas sa faute. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait, mon fils? Ouh, c'est pas bien, hein, j'étais pas au courant. Je te jure. Par contre, le Bangladesh, ah oui, bah oui, ça c'est elle quand même. Ah bah oui, c'est grâce à Ah, elle, non. l'intervention, tout ça, dans le Pakistan oriental. Oui, c'est elle qui a aidé à l'indépendance de cette partie-là, à la naissance du Bangladesh. Oui, ça c'est bien. Ah, l'affaire Blue Star, l'intervention Blue Star. Ah, bah, elle avait pas le choix. C'est pas sa faute. Tu vois, et tout et tout. Et alors le pire, je pense que c'est là où j'ai sauté au plafond, c'est qu'arrivé à la fin. Elle te dit, au moment où on sait qu'on approche de l'assassinat d'Indira, là, elle nous a sorti la théorie que, en gros, Indira le savait. Elle a tapé la discute avec un de ses gardiens sikhs, et limite, elle lui a dit, écoute, je sais que tu vas me buter, t'inquiète, c'est pas grave, je suis prête, tu le feras quand le moment sera venu. Elle s'est fait pardon? Attends. Attends, je peux te lire l'extrait si tu veux. Veux-tu que je te lise? Je vais te lire l'extrait. Lis-moi l'extrait. Il a baissé la tête comme s'il avait honte. Je lui ai dit que je mettais ma vie entre ses mains et que s'il voulait venger le peuple sikh, il était libre de me la retirer. Il a vivement levé les yeux d'un air étonné. J'ai répété lentement que oui, je lui donnais la liberté de me donner la mort. Il s'est pris la tête dans ses mains, égaré. J'ai affirmé clairement que je n'avais plus de goût pour vivre, que mon chemin sur cette terre s'était arrêté avec l'opération Blue Star. Que je n'avais pas peur de mourir et qu'en mettant fin à mes jours, il me ferait le plus beau cadeau du monde. Pardon? Quoi? Ça sort d'où cette théorie? C'était que quoi? Mais d'où elle sort ça, la meuf? Genre, pourquoi? Et en fait, c'est pour ça que je suis en partie très énervée contre ce bouquin. Et sur le concept de finalement appeler un roman quelque chose qui ressemble énormément à une biographie. C'est parce que du coup, tu sais pas où est la frontière. Et ça, j'aime pas du tout. Parce que là, tout le long, elle te donne des éléments de la réalité, des événements historiques et tout. Mais le problème, c'est que comme on te le montre comme une biographie, bah, t'as un peu envie de croire tout ce qu'elle raconte. Sauf que comme en même temps, c'est un roman, si elle brode, tu sais plus ce qui est brodé. Tu sais plus ce qui est de la réalité. Et ça me gêne vraiment énormément. Voilà, tu sais pas quoi croire. Est-ce qu'il faut aller faire tes recherches toi-même derrière? Ouais. J'aime pas du tout cette frontière parce que tu vois, d'un seul coup, en plein milieu, on te balance ça. Un peu comme on te balance une théorie du complot dans Le Dernier Vice-Roi des Indes. Sauf qu'on t'a tellement balancé de vérité au début que quand t'arrives à cette fin et qu'on te balance une théorie du complot, bah tu la vois pas venir. Tu te dis, ah bah oui, peut-être qu'elle savait. Peut-être qu'en fait elle a parlé avec son ami le sikh et qu'elle lui a dit, bah c'est pas grave, tu peux me tuer, il n'y a pas de problème. Quoi? Voilà. C'est un procédé qui m'énerve. Et alors en plus, je m'étais dit, au pire, je suis énervé contre ce truc parce que. Je vous l'ai dit, en plus, les chapitres, ils sont mal montés, t'alternes tout le temps tout un tas de points de vue, c'est pas du tout dans un Ouais. ordre chronologique, donc ça fait que de sauter d'époque en époque, d'événement en événement, tu comprends rien. Moi, je me suis dit, mais attendez, j'ai déjà fait des recherches sur Indira Gandhi, je connais déjà globalement sa chronologie et sa vie, et j'ai du mal à me rattraper aux branches. Mais alors, imaginez des gens qui connaissent que dalle, je sais même pas comment ils arrivent à comprendre quelle est sa vie, ce qu'il s'est passé. C'est le bordel. Et donc, étant agacé face à ça, je me suis dit, écoute, au moins je vais me rattraper sur la bibliographie, ça va me donner des pistes pour aller chercher des documents. Mais là, les gars, la bibliographie n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Sur la dernière page, il y a marqué, pour connaître la bibliographie, rendez-vous sur seuil.fr. Donc en gros, sur le site de l'éditeur. Mais les gars, il n'y a rien sur le site de l'éditeur. Il n'y a pas de biographie. Mais c'est quoi cette Il n'y a pas de malhonnêteté? bibliographie, pardon. Mais c'est quoi cette... Mais pardon? Mais attends, mais moi, dans la ville d'or et d'argent, j'ai une biblio de plusieurs pages. Bah oui. Mais... Ah putain, pardon. Non mais attends... Oh. Donc peut-être qu'au moment où ils avaient édité le bouquin, elle existait cette biblio, mais le problème, tu sais très bien qu'un site internet, ça va pas exister... Jusqu'à la fin oui, des temps. Ça va changer. Tu sais que ça, le groupe est racheté, etc., ça va disparaître. Mm-hmm. Donc dire nanana, rends-toi sur le site web de l'éditeur. Et en fait, les gars, ça se trouve, entre deux, ils ont fait une refonte. Et la biblio, elle n'existe plus du tout. Bah, c'est pas possible. Purée. Donc tout son truc, tu te dis, bah en fait, à aucun moment je sais où t'es allé chercher tes infos. Où est-ce que tu sors telle ou telle phrase? Qu'est-ce qui relève de la réalité historique? Qu'est-ce qui relève de sa pure invention à elle? Effectivement, c'est totalement avec un énorme parti pris. Bon, bah ok, après tout, elle a marqué que c'était un roman, donc ma foi, c'est son point de vue. Mais donc, du coup, j'aime pas. Je trouve qu'il y a quelque chose de malhonnête dans le procédé. J'apprécie pas du tout. Ah bah, je vois ça. Donc, j'étais pas contente du tout. Oh. Voilà. Eh ben, je suis désolée que tu ne sois pas contente. Il en fallait bien une, il fallait bien une lecture qui ne passe pas. Voilà, pire que la BD de tout à l'heure, alors. Ah bah oui, elle m'a vraiment énervée. Pour le coup, Indouboy m'a vraiment, vraiment énervée. Non, c'est le bazar. Franchement, non, non, non, je ne recommande pas du tout. Et du coup, j'ai même pas envie d'essayer ses autres ouvrages. Je me dis, si c'est dans le même style, ça va me saouler. Non, c'est vrai que ça ne donne pas envie. Hein. Quand tu es déçu par un auteur ou une autrice, tu dis, bah... Quand je dirais les autres. Ah bah ouais, clairement. Voilà, voilà. Eh bien, c'est dommage, du coup. Bah oui, je continuerai mes recherches sur Indira, d'une autre manière. Non, mais tu comprends, c'est elle qui a demandé à se faire assassiner, quand même. Non, mais en fait, vraiment, je comprends pas comment tu peux balancer ça, comme ça, et pas préciser d'où ça vient, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Ouais, et puis vraiment, c'est pas, tu te dis, c'est quand même pas une petite invention. Bah ouais. Vraiment, quand je l'ai vu, je me suis sentie aussi trahie que quand on avait regardé Le Dernier Vice-Roi des Indes et qu'en plein milieu, on te balance qu'en fait, c'est Churchill qui a tout planifié depuis le début pour la partition, mais quoi. Évidemment que c'est lui, voyons Julie, s'ils l'ont dit dans le film, c'est que c'est vrai. Ah mais là ça m'a... Ah ouais, j'ai fait très bien, donc ça se termine comme ça. Bon, vous vouliez vraiment m'énerver jusqu'au bout. Voilà, voilà, bon. Et bah, je crois qu'on a fait le tour de nos petites lectures. Ben, ma foi, oui. On espère que vous aurez pioché dedans quelques bonnes idées, quand même. Un bilan plutôt positif pour moi, pour le coup. Puis bon, toi, ça va quand même. Mais non, une mais... grosse déception. J'ai fini avec le moins bon, certes. Mais en vrai, il y avait plein de choses hyper cool, je vous le dis. Lucas Swaroop, je kiffe. J'ai hâte de lire du coup son tout premier roman. Je trouve qu'il est vraiment très bien, donc je vous recommande à fond pour quelques milliards et une roupie. Et puis Meurtre dans un jardin indien. Et puis dans les BD aussi, globalement, c'est très positif, mon bilan. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour voir ce qu'on pourra lire, en tout cas. Oui. Eh bien, écoutez, sur ce, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Donnez-nous vos recos. Nous, On est preneuses aussi de vos idées, de vos recommandations, de vos lectures. Qu'est-ce que vous nous recommandez sur le thème de l'Inde? Voilà, inspirez-nous, remplissez notre pal de l'année prochaine. Non mais attends, moi j'en ai déjà trois qui m'attendent pour l'année prochaine, qui attendent déjà depuis un long moment. Moi aussi j'en ai un qui attend encore. Bon, en tout cas, on espère que ce petit épisode de la rentrée vous aura plu. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour rediscuter cette fois de cinéma avec un chef-d'œuvre du 7e art. Vous n'êtes pas prêts. Ça fait 3 épisodes qu'on n'arrête pas de teaser sur... Je pense que tout le monde a très vite capté de quel film il s'agit. Bon, ok, c'est Bawal, voilà. À dans 15 jours pour parler de Bawal. Ouais, youpi. Allez, On vous fait des gros bisous et on vous dit à dans 2 semaines. Bye, bye. जन्म जन्म जन्म साथ चलना ही तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं